KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie, et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Bon les gars, on se fait un barbecue demain. Jack, tu ramènes quoi? Bah, bouteille, bière, boisson quoi. Sandro, tu viens avec quelque chose? Ouais, viande, merguez, poulet. Bon bah très bien, et toi Tof? Bah charbon, feu, barbecue. Ok, roux? Ouais ouais, c'est bon, je viens. Salut, c'est Roberto. Mais oui, moi aussi j'écoute le Mikael de 21h à minuit. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. Une émission que c'est de l'art sur Énergie. Et c'est Roberto qui le dit. Ah bah si Roberto le dit, hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Non, Roux, n'oublie pas de venir avec à bouffer quand même. Parce que c'est bien que tu viennes, mais... Oui, oui, oui, t'inquiète pas. Non, non, parce qu'à un moment, je me suis inquiété quand même qu'il ne ramène rien du tout. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est enfin le week-end après cette dure semaine. Pour tous ceux qui sont rentrés au bahut. Hein. Ah ouais, c'est... rude semaine. Hein. Deux jours à faire connaissance avec les profs, les pauvres. Hein. C'est moi, clair. Je pense qu'il faut organiser une grève lundi hein, pour se remettre de tout ça. Bon, ce soir, c'est la grande soirée de Sandro. Bah, pourquoi tu dis ça? C'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Ah non, mais on est vendredi et vendredi, c'est... C'est ravioli. Non. Mais non, Roux, c'est Shabbat le vendredi. Non, vous avez fini avec votre vendredi le vendredi, c'est le prime de... Secret Story. Ah bah bonjour Benji, bah dis donc vous avez été rapide un soir. Bon mais j'ai une mauvaise nouvelle, hein. Ce soir vous allez prendre cher avec Andemol Benji, hein, puisqu'on reçoit le nouvel ami de Sandro, Jean-Claude Elfassi, qui ne vient pas seul. Arrêtez, c'est nul. Ah. On aura des choses à cacher Benjamin. Eh oui, c'est la guerre des clans, 18ème du nom, et il est en train de glisser vers la guerre du feu avec les bêtes, les cris et les coups bas. Oui. Paf. Ah, il y aura des combats ce soir. Enfin, on verra ça avec Jean-Claude Elfassi tout à l'heure pour voir ce qu'il pense tout simplement hein, lui-même. Bon, Sandro, t'as déjà prévu tes questions, j'imagine? Bah, je vais essayer de pas en oublier, j'ai tellement de choses à lui demander. Oui, bah écris-les, hein, parce que sinon tu vas vraiment les oublier en revanche. Hein. Ouais, enfin, te prends pas la tête. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, parce que Sandro me faisait ainsi un problème de casque. Ah, et un problème de casque, Sandro? Tu veux mettre plus fort? Non, je cherche un stylo. Ah, quelqu'un a oublié un stylo? De toute façon, le temps faire que tu trouves ton stylo. Faire des blagues à deux balles tous les jours, c'est pas facile tous les jours. J'en sais quelque chose. Mais évidemment, au niveau du stylo, tu sais, il faut pas faire de vannes. Hein. Je te donne le stylo, c'est pas un problème. Le temps enfin, bref, le trouve, justement, Benjamin, allez préparer vos vannes. Pour tout à l'heure, ça pourra, à mon avis, être intéressant de repartir sur quelque chose de drôle. Bien évidemment, quand on sait pas, on rigole, évidemment. Bon, on aura aussi Pablo et Micha, donc en direct de la Sexy Beach Party avec David Guetta. On vous avait fait gagner toute la semaine, et la semaine dernière aussi d'ailleurs, le voyage, l'hôtel et la bouffe pour aller danser sur la plage. Bon, alors, comment ça se passe là, on dirait. Direct de Montpellier, Michel. Hey, Michael. Ouais. Comment ça va? Bah, écoute, nous on est toujours dans le moyen de locomotion là. Comment ça? Bah, non, mais on arrive. Quand vous êtes toujours pas sur place? Ah non, c'est Taf qui nous a fait un plan. On est parti de Montpellier, mais c'est pas le bon plan. C'est-à-dire? On arrive. Quoi, il vous a fait Montbéliard? Bah, il m'a bouffonné. Bah ouais, bah comme d'habitude. Hein. Une tofferie. Bon, enfin bref, vous êtes bientôt sur la plage. Est-ce que vous avez déjà vu la côte? Non, on a vu la gare, mais écoute, on n'a pas vu la côte encore. Bon, c'est déjà pas mal. Et comme je le rappelle, donc cette journée, comme vous êtes parti en vacances, n'est donc pas payée. Hein. C'est logique. Attends, c'est normal. Les mecs, ils vont faire la fête toute la nuit. C'est ça. Ils vont Montpellier au soleil et tout, pendant que nous, on se tape la grisaille et le vent. C'est un vrai travail de reporter. Ouais, là. Ouais, déjà, tu la rends pas. Essaye d'arriver sur place. C'est ça. Va sur place et puis on verra. Bon, Micha, petite question très brève. Comment se porte Pablo? Il a mal à la tête, mais je sens que quand on va arriver, ça va aller beaucoup mieux. Tu sais pourquoi? Non, tu sais pourquoi, Micha? C'est parce qu'il a pas encore mangé, ça ira mieux après. Si, il a oui, déjà mangé. C'est vrai en plus. À mon avis, il a ravagé le train. Hein, c'était son goûter, ça. Ah oui, pardon, autant pour moi. Si j'ai bien compris, il va y avoir de la vedette ce soir chez vous? Il va y avoir de la vedette ce soir, effectivement, oui. Bah, je crois qu'on va faire un clash parce que nous aussi, il va y avoir de la vedette ce soir. Eh ben, très bien. Beach. Eh ben, on verra lequel aura le plus de vedettes. Voilà. Parfait, pas de problème. Bah, pas moi, de problème. Très bien. Moi, tant qu'il a des sexy beach, ça me va. Ta mission ce soir, Micha? Et tu n'as pas accepté ou pas, tu vas le faire. Avoir David Guetta au téléphone. Ah oui, facile, entre autres. Oui, oh, bah. Tu te la racontes, ok. Il se la ramène la grande perche là. Bon, à tout à l'heure. Juste le maire de Montpellier, ça compte pas. Hein. Oui, c'est ça, il faut de la star. Hein. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ils ont la belle vie quand même. Hein. Ouais. Et après, ils se permettent de se plaindre. Quand même un petit peu quoi. J'espère que tu lui as pas donné le bracelet qui donne droit à l'open bar. Hein. Ah non, mais j'ai donné sinon aucun bracelet, mon bracelet d'or. T'inquiète pas pour ça. Va. Bon, on aura encore des cadeaux à vous filer. On va vous faire gagner ce soir les jeux PES, Killzone 2 également et les Bundle Guitar Hero. Mais aussi PS3 dans Chéri, je t'ai fait cocu. Une Xbox peut-être dans chez Jean-Claude au fucking Blue Boy. Puisque comme tous les vendredis soir, on ira chez Jean-Claude au fucking Blue Boy. Et si vous ne connaissez connaît pas, si vous ne connaissez pas Jean-Claude, pardon, du fucking Blue Boy, qui n'a rien à voir avec Jean-Claude El Fassi, hein. Il faudra bien évidemment rester là tout à l'heure. Ouais, ça reste une grande folle qui tient un bar, quoi. Oh, t'es pas sympa avec Jean-Claude Roux, avec tout l'amour qu'il a pour toi. Ah oui, regarde, ah, oui, c'est un grand amour même. Hein. Allez, attendant, on va se faire le répondeur. Les messages que vous nous avez laissés depuis hier au 01 40 71 3400, on les écoute maintenant. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Ouais, nickel. C'est pour savoir, si t'as invité Tokyo Hotel, t'as voulu faire comme dans Secret Story, ouais, comme a dit Jack, plus c'est nul, plus il y a d'audience. Alors, hein, il doit être content pour l'audience, les patrons. Ouais, allez, salut toute la team. Fin du message. Message suivant. Salut l'équipe, salut Roux. Alors Roux, on sait tous que ta mère, elle s'appelle pas Valérie. Hein. On sait tous qu'elle s'appelle Marie. Alors ce serait temps d'arrêter de m'étonner. C'est ma mère, ça. Fin du message. Message suivant. Salut l'équipe, salut Roux, nickel. Alors moi, en fait, j'appelais juste pour dire que Micha, c'était vraiment incapable. Enfin bon, ça vous savez déjà. Mais bon, hier, je suis censée avoir gagné le répondant et deux jumelles, c'est une marraine. Maman. Franchement, faut virer celui-là. Enfin, je sais pas, enfin, faut faire quelque chose, quoi. Il serait temps. Bon, allez, salut. Espèce incapable. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut, Michael. Je me suis demandé hier soir où est-ce que t'es tombé. T'as cru être dans Secret Story ou quoi? T'as grave mal guidé sur les questions de Tokyo Hotel. Franchement, t'as dit etc etc et t'as rien donné que dalle. Tu m'as déçu, franchement. Je m'attendais pas à ce que tu dises n'importe quoi et que tu prennes les gens pour les auditeurs pour des cons. T'assures pas quoi, franchement. T'as cru que t'étais dans Secret Story si tu sais pas parler. T'as banni ça. J'ai pas compris ce qu'elle voulait. En plus, j'allais dire, c'est Vanessa de Secret Story qui nous a laissé un message. Je sais pas, écoute, on dirait. Bon, qui ont fait gagner ce soir? Ah bah la dernière. Elle mérite. Non. Bah y avait personne. Bah si, on va faire gagner celle qui a gagné hier. Celle qui a gagné hier, mais Micha le rappellera pas. Bon, c'est Dorothée qui prend le relais ce soir de Micha qui est parti en vacances, hein, rappelons-le, à Montpellier. on va la rappeler celle-là du coup, hein, Dorothée. On t'entend mal. Ah bon, bah très bien. Bon, on la rappelle donc ce soir. Si tu ne reçois pas d'appel de quelqu'un de chez nous, tu pourras relayer un message, mais cette fois-ci en disant que Dorothée ne sert à rien et qu'elle fait du travail de merde. Voilà. Bon, ce soir on fera aussi l'expression du jour, du jeudi qu'on n'a pas eu le temps de faire hier, hein, comme presque tous les jeudis au final. Et on peut savoir ce que c'est maintenant, puisque tu ne l'as pas dit hier. Ah non, on va encore garder la surprise, mais je vous garantis que ça peut faire mal. Ça va faire mal. Moi, je préfère faire les trucs de Koh-Lanta là. Eh ben très bien, Rob. La semaine prochaine, on fera bouffer des pissenlits par la racine. Ouais, voilà, ouais. Tu as bien choisi. C'est parfait. Mieux fait de fermer ta gueule, Romain. Ouais, ça c'est clair. Bon, et puisqu'on parle de Koh-Lanta, c'est le prime ce soir aussi, hein, quand je vous dis que c'est la soirée de Sandro. Bonsoir à tous. Ouais, bonsoir Denis. Bonsoir. Bon, il va se passer quoi ce soir? Vous avez une petite exclue pour nous ou pas? Tous veulent être l'ultime survivant et remporter les 100 000 euros de récompense. Ah. Au départ, ils sont 18. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Ouais. Je crois qu'il s'est bien foutu de ta gueule là, parce qu'il a juste donné les règles du jeu. C'est ça. Bon, on verra s'il continue à faire le malin là quand il saura où va se faire le prochain Koh-Lanta. Parce que bon là il se la raconte, là il va dans des endroits de ouf, au bout du monde, etc. etc. Mais comme vous le savez, bah, j'ai le bras long évidemment. Et j'ai déjà la nouvelle bande-annonce de Koh-Lanta, mais on en reparlera tout à l'heure, bien entendu. Ouais, tu peux au moins nous dire où ça se passe quand même. Quelle partie du monde? Non. Bon, juste au niveau de la ZIG ce soir, on mettra du bon son ce soir. Nouveau son de AFI qui est une tuerie. On mettra bien sûr un petit son de la cave. On mettra, qu'est-ce qu'on va se mettre d'ailleurs aussi? 303 avec Don't Trust Me. C'est bon parce que maintenant j'ai appris, je sais comment on le dit. Tokyo Hotel aussi qu'on passera, qui était avec nous d'ailleurs hier soir. Photo à mater sur mikael.fm. Ouais, pas vidéo, t'emballe pas. Non, vidéo, non, je sais que c'est pas ça puisque le roux n'a rien branlé. Bah si, j'ai branlé, mais j'ai branlé dans le vide. Ah! C'est con. Ouais, t'as fait de la R branlette. Bon, on mettra aussi Agnès avec Real Is Me. Et puis bah, juste après la pause, on recevra donc, bon, on fera le jeu des amis. On recevra également Jean-Claude Elfassi, le meilleur ami seul. Qui vient pas tout seul, qui vient avec des gens de Secret Story. Des candidats, oui. Ah oui, enfin des candidats, hein, parce que pas des gens qui travaillent ils là. Ils préfèrent venir chez nous que d'aller sur le Prime. En fait, on a tous les caméramans, donc ce soir ils sont dans la merde. Exactement. Donc voilà, donc on fera ça tout à l'heure. Si vous avez des questions à poser d'ailleurs à Jean-Claude Elfassi, 6112, débutez le message par Mickaël ou sur mickaël.fm. Et puis on salue ceux qui sont sur le chat. Il y a Brian, il y a Anaïs, il y a Mathias, il y a Amélie, Jessica. La webcam qui ce soir fonctionne, hein, c'est normal, il y a moins de monde à regarder, donc c'est logique. Mickaël, le podcast. Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses sur le petit écran. Alors c'est pourquoi nos équipes d'experts, car nous avons des équipes d'experts, pardon, Des experts, oui. Ça serait bien d'engager des experts en vocabulaire. C'est surtout... Non, là, c'est pas vocabulaire, c'est un orthophoniste. Et, ça va. Et donc, ça ira mieux lundi, je pense, après le week-end. Oui, tout ça. Ouais. Non, ça ira. Donc, nos équipes d'experts ont décidé de créer une cellule spécialisée et les meilleurs analystes ont été regroupés au sein du petit observatoire de la télé. Voilà. Et commençons tout d'abord donc avec ce qui a fait le plus de bruit, celle qui s'est foutue la honte dans toute la France, et même au-delà de nos frontières d'ailleurs, chez mes compatriotes belges par exemple, c'est Élise Lucet, présentatrice du 13h de France 2, qui recevait Warren Zavatta pour parler de son spectacle. C'est quelque chose à voir avec le clown Achille Zavatta ou... tout à fait, c'est son petit-fils. Hein. Alors il faut savoir que Warren a déjà la quarantaine bien tassée, et que son grand-père donc n'est plus depuis un moment déjà. Et il raconte qu'au départ, les relations n'étaient pas très bonne avec lui, mais que ce spectacle a réussi à le faire déculpabiliser, quoi. J'ai moins d'aigreur maintenant vis-à-vis de mon grand-père, j'ai appris à le connaître. Il y a une espèce de réconciliation avec ce spectacle. Ils sont venus voir le spectacle ? Mon père, mon oncle, ma tante, ils sont venus voir le spectacle. Et le grand-père, pas encore ? Ben, le grand-père, malheureusement. Il est mort, pardon. Excusez-moi. Il est cool, le mec. Hein. Il dit, ça nous arrive à tous. Ouais. C'est sûr. C'est beau, non, mais oui, mais ça arrive à tout le monde. Oui. Ça arrive. Bah oui. Ne ratez pas, par contre, parce que dès lundi, dans le 13h d'Élise Lucet, il y a l'interview exclusive de Michael Jackson, hein, pour lui donner un droit de réponse sur l'annulation de ses concerts. Non, mais c'est ce qui arrive quand on laisse ses stagiaires préparer ses interviews. Et encore, elle a la chance, parce qu'elle aurait pu le prendre pour le petit-fils d'Emiliano Zapata, le révolutionnaire mexicain. Ça aurait pu être pire au final, ouais. Bon, numéro 2 de mon petit classement perso des répliques à la con, c'est Benjamin Castaldi lors d'une quotidienne sur TF1 qui parlait avec Cindy de la cote de popularité de ses camarades. Ah, NG Sabrina, 5 et 3% et alors le bonnet d'âne, c'est pour Vanessa avec 1%. Oh, je vais l'aider à remonter la barre, vous inquiétez pas. Ouais, bah je compte sur vous. Vous vous y connaissez en ce domaine. Oh. Il vient juste d'avouer dans toute la France que Cindy lui filait la Gaule. Ouais. Voilà, ouais. Moi j'aurais trouvé ça beaucoup plus bizarre qu'il avoue devant toute la Gaule que Cindy lui filait la France. Ouais, ça va rien dire. Devant De Gaulle que Cindy avait désavoué la France. Ouais, oui, bon, allez, ça va, ok. Là, on va arrêter là avant que vous soyez repris par ailleurs, hein, dans le petit observatoire de la radio. Voilà. Ça. C'est jamais. Bon, on continue notre tour des répliques à la con des animateurs du PAF. Aïe, tu m'as fait mal. Quoi ? Ah, parce que j'ai dit PAF. Eh oui. C'est ça ? Aïe, très bien, d'accord. Ça fait mal, arrête. Oui, c'est bon, allez, n'importe quoi. Bref, arrêtons nous maintenant sur France 5 dans le magazine de la santé. Ah, Michel Simès, exactement. Le grand ami toujours lui. Bah oui, il était sur le plateau donc avec une spécialiste de la flore vaginale, hein, qui expliquait en fait qu'il ne fallait pas se laver le minou trop souvent. Ah oui, c'est connu. Ah oui. Ça n'aime pas l'eau, les minous. C'est ça, voilà. Et donc, il n'a pas pu s'empêcher d'en rajouter une couche. Hein, ne décapez pas votre vagin. Voilà ce que j'ai envie de dire. Parce voilà que sinon, parce que ça, la flore vaginale va plus être équilibrée. C'est, et c'est pas bon du tout. Même c'est avec un peu de vinaigre, je serais quoi. En même temps, il a pas tort. Il a pas tort, ouais. Ouais, quand j'étais petit, ma mère, elle me lavait la tête au vinaigre pour tuer les poux. Alors imagine si la meuf a des morpions. Je m'étonne, ouais. Jusqu'à l'intérieur quand même. Ouais. Non, moi je suis d'accord avec Michel Simès, là, je sais pas comment on dit. Non, parce que tout le monde le sait, la moule c'est bien meilleur au vinaigre. Bon, puisqu'on est chez Michel Simès ou Sim. Ouais, Simès on va dire. Toujours pas, ouais, Simès, ouais. Je voulais vous faire écouter un truc. Alors rien à voir avec des phrases débiles, mais je pense que c'est quelque chose en fait qu'on va tester très très vite dès la semaine prochaine. Dans un cas, il devait plonger la main dans l'eau glacée en utilisant des mots assez neutres, hein, table, chaise, choses comme ça. Ah oui. Et dans le deuxième cas, ils avaient le droit de se lâcher et d'employer leur juron favori, c'est-à-dire putain, fais chier, c'est gelé. Tout ça pour voir combien de temps ils tiendraient. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que les résultats montrent que quand on peut jurer et être vulgaire, on tient jusqu'à deux fois plus longtemps. Nous cesserons ça toute la semaine prochaine. Ah, ça m'étonne pas. Hein. Et ouais, bon, revenons un peu sur TF1 maintenant avec notre ami Christophe de Chavannes. Alors, petit pépère. Merci, Roux. Très belle imitation de Chavannes, là. Tu sais imiter l'accent québécois aussi ou pas? Bah oui, bien sûr que je sais le faire, pourquoi? Ouais, bah c'est pas gagné. Hein. Ouais, ça va. Tu tiens mieux de Chavannes que l'accent québécois. C'est un québécois du Nord. Hein. Et bien parce qu'il était en fait sur le plateau de la Roue de la Fortune, c'est pour ça que je vous en parle, avec une candidate québécoise en train de simuler une relation sexuelle mixte. Et là... T'imagines, DJ, t'es en train de faire l'amour à la fille la plus belle du monde. Et t'es là, t'es amoureux. Amoureux. Et là, tu fais l'amour, et puis tout d'un coup, elle te dit... Casse-moi donc cette affaire, là. C'est horrible. Quelle horreur. Comme quoi, l'accent québécois, c'est vraiment un tue-l'amour. Hein. Ah ouais, c'est casse-moi clair. Casse-moi donc cette affaire, là. Qu'est-ce qu'il y a l'expression de merde tabernacle. Oui, bon, tabernacle. C'est connu. Oui. La beuverie, le beuvo, pour boire. Le breuvage. Le breuvage. Ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez comme breuvage? C'est surtout que ça casse. Enfin, ça doit casser dans ta relation sexuelle, quoi. Ouais. Bah, eux encore, ça va, ils ont l'habitude, mais. Oh, viens là, je te déglingue le cul. Non, là, c'est la Marseille, ça. Bah oui, mais il essaye. C'est les accents. Ah oui, c'est les différents accents, effectivement. T'aimes ça et qu'on chante. Quel horreur. Tu vas bien prendre, tout c'est ça. Bon, vous envoyez une petite dernière, là, pour la route. Allez. C'est un reportage que j'ai vu dans Incroyable mais vrai. Une femme d'un certain âge, donc qui a une technique très particulière pour rester jeune. D'après vous, qu'est-ce que c'est? C'est pas les masques dégueux là? Ouais, les trucs avec de la boue, des algues. Non, je pensais pas à ces masques-là. Des sécrétions. Ouais. Ah, il y a le truc aussi de Cléopâtre. Non, t'enflamme pas. La semence. Les bains de sperme. Ouais, voilà. Vous avez tout faux. Écoutez. Elle a déjà subi une quinzaine d'opérations chirurgicales. Mais cela ne suffisait pas. Et depuis une vingtaine d'années, elle dort dans son réfrigérateur. Tous les soirs, elle quitte sa famille pour le grand froid. Elle s'installe dans une température de 3 degrés entre la crème fraîche et les poireaux. Je fais ça pour rester jeune. C'est comme les aliments, ils se conservent mieux au frais. Voilà. Elle est complètement annuelle. Voilà. Et PPD aussi, hein, depuis qu'il a arrêté TF1, il est dans un placard. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et surtout merci à tous mes analystes spécialisés. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour une nouvelle étude de cas dans le petit observatoire du PAF. Aïe. Oh putain, oh. Oh, ça va. Oui, mais enfin, c'est naze. Ça va pas, non. D'ailleurs, si vous voulez réagir à ça, n'hésitez pas. Hein. Si vous aussi, vous avez peut-être vu une émission qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, qui était relativement drôle ou improbable, n'hésitez pas à venir nous le dire. 612, débutez le message par Mickaël ou sur mickaël.fm. Et puis, télé toujours. Comme on est dans là ce soir, donc c'est le soir où TF1 fait le gros plein de téléspectateurs. Ça y est, c'est sûr que c'est pas avec France-Roumanie demain qu'ils vont péter les scores. Ah et non, et donc du coup, bah ils tapent fort en ce vendredi soir. Secret Story précédé de Koh-Lanta. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Donc alors comment ça se passe Koh-Lanta alors? Là ils ont attaqué en faisant une petite feinte en fait aux candidats. C'est-à-dire qu'ils les ont pas divisés en deux équipes tout de suite. Bah du coup ils sont tous arrivés sur la même plage. Et alors il y a Freddy qui est un étudiant ingénieur qui leur a fait une cabane 5 étoiles. C'est-à-dire un truc de ouf. Ah, c'est toujours bon à prendre un ingénieur. Ouais. Sauf que le soir même Freddy a dû migrer vers une autre plage. Il devait être vénère. Bah je pense pas qu'il était vénère parce qu'il aime se mettre en avant le Freddy. Donc il pourra refaire une belle cabane quoi. Et c'est quoi le nom cette fois des équipes? T'es prêt? Ouais, vas-y. Les Corors et les Maui. Des gens qui trouvent des noms à la con dans cette émission. Pourquoi pas, hein. Et c'est pas après 9 saisons que ça va changer. Hein. Ah non. Ah putain, 9 saisons, quand même. Et je vous rappelle que la première saison était présentée par Hubert Auriol. C'est qui lui? Putain, je m'en rappelle. Voilà, bah, c'est bien pour ça que je voulais venir, que je voulais dire. C'est qui lui? Je sais pas. Bon, et alors il y a déjà eu le dossier dans cette édition ou pas? Bah c'est-à-dire qu'ils se sont mis en mode Secret Story en fait les candidats, puisque la première nomination parlant des rouges, les 4 fils sont mis d'accord avec les 4 mecs. Ouais. Et pour nominer un seul. Les 4 fils sont mis d'accord entre elles pour nominer un seul mec. D'accord. Et les 4 mecs ont fait pareil. Du coup, bah c'est le hasard qui a décidé de virer un mec. Et il y a d'ailleurs avec une candidate mystère aussi là, ce qu'on fait le truc. Ouais, en fait c'est Jack, elle est représentante de Koh-Lanta. Sandro, c'est Secret Story, Jack c'est Koh-Lanta. C'est mon émission de télé-réalité préférée, de toute façon il n'y a pas photo. En fait il y a une candidate qui s'est fait éliminer d'entrée de jeu dès la première épreuve. Ouais. Et du coup elle a demandé à ne jamais apparaître à l'image dans toute cette édition de Koh-Lanta. Et enfin elle avait plus envie quoi, tout simplement quoi. Sauf qu'évidemment des journalistes ont dû la retrouver. Bah ouais, c'est dans Télé 7 jours. En fait ils ont passé au crible toutes les images de l'émission le vendredi dernier. Ça à foutre. Et ils sont tombés sur une image arrêtée où on la voit au profil au second plan. Ils sont forts les fouilleurs. Du coup voilà. Et dans Télé 7 jours, il nous explique qu'elle a 62 ans et qu'elle s'est losée sur la première épreuve à cause des 15 heures d'avion qui ont précédé. Mmh. Et elle a tapé scandale contre la prod en fait. Ah bah, parfait. Bon, on suit Koh-Lanta de toute façon ce soir pour les gens qui bossent et qui du coup peuvent pas le suivre. A priori, il y aurait 3 candidats donc qui se sont perdus pendant quelques heures dans la jungle. L'angoisse. C'est pas très bien ce qui s'est passé, mais bon. Mais on va surtout en profiter pour, comme la semaine dernière, vous proposer une version différente et inédite de Koh-Lanta. La semaine dernière, c'était Koh-Lanta dans le sud-est. Ouais, exactement. On avait lancé une sorte de Koh-Lanta région par région. Et donc, la semaine dernière, c'était Koh-Lanta PACA. Et ce soir, on passe radicalement à autre chose puisque Denis Brognard part en Seine-Saint-Denis 9-3 connexion. Allez. Bienvenue à tous dans une nouvelle édition du Koh-Lanta des régions. Attention, ce soir ça va être brûlant. C'est Koh-Lanta 9-3. Nos candidats sont divisés en deux équipes. Je vous laisse maintenant choisir le nom de celle-ci. Enculé, bouffon, va. Espèce de bâtard. Wesh, c'est pas mal, ça. Vas-y, on prend, on est les espèces de bâtards. Ok, premier nom d'équipe trouvé. Quel est le vôtre? Nous, on est les vénères. Ça veut dire énervé en verlan, t'as vu? Koh-Lanta 9-3. Épreuve de confort pour ce Koh-Lanta 9-3. Il s'agit d'un parcours du combattant. Pour ce faire, nous avons mis à votre disposition deux pocket bikes sans casque. Vous serez deux par moto et vous serez poursuivis par des motards de la police. Le premier qui meurt a perdu. C'est parti. Bâtard ! Bravo, les espèces de bâtards. Vous venez de gagner l'épreuve de confort. Vous remportez un oreiller. Wesh, tu veux qu'on fasse quoi avec un oreiller? Vas-y, mets-moi bien ma gueule. T'as vu, on est sur une île, il y a bien de la beurre quelque part là. T'as bien quelque chose à fumer, wesh. Koh-Lanta 9-3. On passe maintenant à la dernière épreuve, la traditionnelle épreuve du poteau. T'as ramené les poteaux? Karim. Hey, t'as pas ramené Kevin, j'espère? J'espère pas, parce que c'est un bouffon, la huis. Mais non, rassurez-vous, espèce de bâtard. Ouais, calme-toi. Je vous rappelle que c'est le nom de votre équipe. Ah ouais. Voici les règles de l'épreuve du poteau. Vous devrez vous poster en bas de ces escaliers, adossé à l'immeuble, pied droit en équerre posé contre le mur. Le premier qui décolle son pied est éliminé. Bon, c'est bon. Vous avez tous remporté l'épreuve là, ça fait 3 semaines que vous êtes là. Bah ouais gros, ouais, trop facile, nous on fait ça toute la journée. Ah, fallait nous demander de trouver du boulot, t'as vu? Là on aurait galéré. Voilà, donc Koh-Lanta 9-3, Saint-Saint-Denis, je pense que ça peut être pas mal. Hein. On aurait pu l'appeler Koh-Lantaras. Ouais, c'est vrai. Denis Brognard va moins trouver ça drôle. Hein. Koh-Lanta mère la Chine. Ouais, parce que partir comme ça, tu sais, dans l'hémisphère sud et tout près de l'Australie, c'est sympa. Aubervilliers, c'est moins exotique. Aubervilliers, c'est moins classe, effectivement. Ouais. Donc voilà pour Koh-Lanta 9-3, hein, à quoi ça ressemble, effectivement. Et on va se faire tout à l'heure pas mal d'infos au niveau de. Secret Story, puisque Jean-Claude Elfassi va pas tarder à arriver avec deux personnes issues de Secret Story. Deux anciens de Secret Story. On en parlera dans un instant. Si vous avez des questions et si vous voulez réagir à la télé dont on vient de parler là, n'hésitez pas, 612, débutez le message par Mickaël, puis vous laissez votre numéro ou alors sur mickaël.fm. Mickaël, le podcast. Tous les soirs entre 21h et minuit sur Énergie avec Jean-Claude Elfassi qui va venir balancer. C'est le paparazzi le plus recherché de France. C'est ça. Voilà, et il sera avec nous ce soir. Voilà, c'est aussi simple que ça. On aura également des gens sortis tout droit de Secret Story. Donc là aussi, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On parlera de pas mal de choses, notamment beaucoup de gens qui n'aiment pas Secret Story, enfin qui n'aiment pas, qui sont choqués, tout ce que vous voulez. Et à mon avis, ça va relativement bien tailler. Avant ça, nous avons le jeu des amis maintenant qui est là. Salut à toi. Comment tu t'appelles? Tristan, comment ça va, oui, Tristan? C'est moi, très très bien, en pleine forme, un peu froidement. Il fait très très froid à Strasbourg, on a l'impression d'être en Sibérie. Je sais. Ouais. Ça va très très bien, en pleine forme. D'accord, ok, très bien. Oui, mais à Strasbourg. En même temps, tu sais que ici à Paris, je suis sorti cet après-midi. Franchement, j'ai l'impression qu'on était en fin de l'automne. Ouais, t'avais du vent, il faisait gris, il pleuvait. Au moins, vous n'êtes pas presque en Allemagne. Hein. De quoi? Au moins, vous n'êtes pas presque en Allemagne. Hein. J'ai pas compris. Ah, nous, on n'est pas presque en Allemagne. Oui, bien voilà, sûr. Ouais. Oui. Mais enfin, à côté de ça, on n'est pas loin de. Ouais, enfin, on est en France, quoi. Voilà. Voilà, exactement. On va pas rentrer dans les détails. Bon, alors, Tristan, tu veux qu'on appelle qui? Sam. Tu veux qu'on appelle Sam? Ouais. Très bien. Ah, mais Sam, Dorothée l'a déjà mis dans le standard, Sam. Très bien. C'est Sam, pas, tu es là, Sam? Oui, bonsoir. Ah bah voilà, comme ça c'est encore plus rapide qu'avant. Bon, bonsoir Mickaël, bonsoir Sam. Bah bonsoir à toi Sam. Bon, alors Sam, nous allons jouer au jeu des amis, comme ça direct on perd pas de temps, direct au téléphone, c'est la classe. Ça va être un bon ami hein, qui va répondre aux bonnes questions. Oui, bah ça on verra encore, après c'est pas gagné ça. Hein. Bonne ambiance, ouais, ça va. Ça va, t'es tranquille, hein, bonne ambiance, elle est cool quoi. Vous dites la vérité. Oui, enfin moi ça va, je suis dans une bonne ambiance, toi je sais pas, mais non, ça va plutôt pas mal. Bon, alors, attention Tristan, on va jouer au jeu des amis, t'es prêt? Enfin, c'est plutôt à Sam que je dois poser la question. Hein. On va te poser 10 questions, ok? 10 questions d'accord. À propos de Tristan, si tu réponds correctement à 6 d'entre elles, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? S'il faut que tu répondes du tac au tac, bien entendu. Si tu sais pas, tu passes, c'est considéré comme une mauvaise réponse. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Hein. Ok, ouais, okay. Allez, on y va, attention, une minute, c'est parti. Quel est le prénom de sa meilleure amie? Sabrina. Sabrina, bonne réponse. Quelle est sa série télé préférée? C'est trop tard, c'était CSI Las Vegas. Eh oui, dans quelle matière scolaire est-il le plus nul? Allez. En mathématiques. En mathématiques, bonne réponse. Quel est son plat favori? Son plat favori? Oui. La choucroute. Oui, alors oui, justement. Oh, Tristan, c'est comment... bon ou pas? Tristan. Oui, c'est vrai, j'adore la choucroute. Tristan. C'est très bon la choucroute, oui. La choucroute. C'est pas un plat de pâtes, c'est meilleur. Pardon, bah... On se fait un bon resto. Mais rien que le nom. Oui, mais enfin, texte, de là à manger de la choucroute, si tu veux. Dans quel état t'es-t-il? Dans un mauvais état, une fois qu'il a mangé la choucroute. Oui, après, oui, hein, c'est ça reste dans le bide comme vous ça. Vous avez mangé de la choucroute à Strasbourg? Oui, bah écoute. Non. Non, ça va aller. Non. C'est sympa. Quand voilà, quand t'es à Strasbourg, un bon McDo, hein. Ouais, ah, bien. Là, là. Voilà. Hein. Bon, allez, on continue. Trois réponses. Trois bonnes réponses, une mauvaise. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Combien de piercings possède-t-il? Zéro. Zéro, oui, bonne réponse. Il préfère Nouvelle Star ou Starac? Nouvelle Star. Oui, Nouvelle Star, bonne réponse, effectivement, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Quelle est sa position sexuelle préférée? La levrette. Ah non, alors évidemment, ouais, on pourrait imaginer que c'était un peu original tout ça, mais non. Je t'annonce, Sam, que ton meilleur ami kiffe le missionnaire. Oh, c'est sympa aussi. Oui, enfin c'est sympa. C'est mieux que rien. C'est sympa deux minutes quoi. Quand tu t'échauffes après, c'est un peu chiant quoi. Ouais. Je t'assure que les puceaux ils trouvent ça sympa. Non, d'accord, ok, mais Tristan, non. Tristan t'as 27 ans. Bah oui, bien sûr. Non, je dis pas. Non, je dis. Les puceaux. Tristan, pourquoi le missionnaire? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Moi je trouve que c'est bien parce qu'on peut quand même dominer, c'est nous qui contrôlons en fait. Voilà, le vrai si tu vas me dire, mais je sais pas avoir le derrière, le dos, les cheveux. J'aime bien avoir le visage en face de moi en fait. D'accord. En une phrase de romantique. Ouais. Voilà. Ok. Bon, bah si tu veux. Hein. Bon, il y a pas de problème. Bon, on va continuer du coup. Hein. Allez, voilà, on y va. Qu'est-ce qu'on veut pouvoir mettre? Quel procédé d'épilation utilise-t-il? Enfin, où est-ce qu'il se rase? Si du moins il se rase, évidemment. La barbe. Oui, ben non, en fait non, il se rase la barbe et le torse, donc évidemment je ne peux pas accepter ce genre de réponse malheureusement, c'est dommage. Alors, combien de fois par semaine se masturbe-t-il? 5 fois. Eh non, 10, alors comment ça se passe Tristan là? Roulette facile. Eh, 10 fois par semaine, ça fait 2 fois par jour, si on compte pas le samedi et le dimanche. Ah ouais, il est chaud hein Tristan. Ah oui, non mais je vois ça, mais Tristan t'as une meuf ou pas? Non. Ah voilà, ceci explique cela. Et merci Canal+. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, allez, une petite dernière là pour le sport. Hein, parce que pour l'instant, c'est 5 bonnes réponses, 4 mauvaises. Ce serait dommage d'en rester là. Hein. D'accord. Très bien. Allez, la petite dernière. Quel est le lieu le plus... Quel est le lieu le plus insolite où il est fait l'amour? Un jacuzzi. Non, dans un lit. Non. Ah bah, c'est-à-dire qu'il kiffe le missionnaire, mais par contre, il va baiser dans un cimetière. Oh. Donc bon bah écoute. Est-ce qu'il est venu accompagner dans le cimetière? Oui, tu as fait quoi dans le cimetière exactement? C'était plutôt de circonstance, hein. c'était le seul endroit un peu isolé, c'était en fait on faisait une grande place. Ah oui, bah un cimetière en général la c'est isolé. Il y a un cimetière à côté. Qu'à la campagne, il n'y a pas d'autre endroit isolé qu'un cimetière. Non. Très bien, bah écoute, pourquoi pas, j'ai envie de d'aller, hein, y a pas de souci. Bon, quoi qu'il en soit, c'est perdu, hein. Bah, dommage, 5 bonnes réponses, 5 mauvaises, c'est malheureux. Bon bah c'est pas grave, vous revenez quand même quand vous voulez, d'accord? Ok. Passez un bon week-end tous les deux. Merci, et puis bon bonjour à toute l'équipe. Et allez, un gros de rien. À tout le monde. Et bon week-end à Strasbourg. Hein. Merci, au revoir. Allez, ciao, ciao à vous deux. Mickaël, le podcast. Jean-Claude Elfassi, donc le paparazzi le plus recherché de France. Bonjour. Comment ça va? Ah bah écoute, ça va. Bon. Avant d'arriver, ça allait bien en tout cas. Ah mais t'as traîné un peu, t'es quelques minutes à la bourre, t'as été coursé par les flics ou quelque chose, non? Ouais, c'est toujours. C'est Andemol qui est venu faire des photos. Mon Dieu, il va chez Énergie, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que t'es passé par la porte? Ouais, j'ai hésité. J'étais avec Elisabeth. Donc, bon, Elisabeth qui est là effectivement aussi. Il y a mis son... N'hésite pas à parler pile poil devant le micro, sinon on a l'impression que... Ouais. Voilà, exactement. Parce que sinon, on a l'impression, en fait, que tu sais, on préfère Jean-Claude et que toi, on t'a mis au fond du studio et tu peux parler de loin. En résonance derrière. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, ça fait mauvaise image. Il y a Martin qui vient aussi. Il y a Martin qui vient nous rejoindre. Parfait. Voilà. Bon, très bien. Bon, pour ceux qui ne savent pas encore, donc, tu es ce qu'on peut appeler paparazzi. Ouais, c'est un raccourci. Je sais pas après si t'as un autre. Je suis plein de choses. D'accord, ok, très bien. Surtout. Il rigole bien aussi. Oui. Ah d'accord, ok. Parce qu'on a une porte à remettre dans le jardin, donc je sais pas si tu peux éventuellement venir faire 2-3 clous. On verra ça. C'est combien? C'est combien? C'est 5 vis. Tout va bien, un marteau, c'est livré, il y a pas de problème. Donc bon, pas paradis comme on disait, mais surtout l'ennemi numéro 1 d'Endemol. Oui, en fait, depuis quelque temps, ouais, mais ils ont déclaré ça. Oui, enfin, il ou toi. Même avant l'émission, il y avait déjà ma photo partout. Je sais pas. Bon, Altide, Jean-Claude Elfassi. C'est sur ma photo. Tu vois combien maintenant, quand ça peut peut-être m'intéresser. C'est ça. Roux, vérifie sur Internet le montant qui a marqué à côté du Wanted. Ah oui, parce que là, avec une corde, on... ça peut être intéressant, surtout qu'on est nombreux. Ouais, c'est tu vrai. Vois ce que je veux dire, voilà. Bon, donc, t'as fait de la garde à vue, bien évidemment. Tu t'es fait embrouiller par le service de sécurité de la maison. Bref, pas mal de soucis, donc on en parlera dans pas longtemps. Hein, on en parlera après, tout simplement. Et donc, ce soir, t'es venu avec Elisabeth, ici présente. Yes. Bon ça bon va bien. Bonjour tout le monde. Bah, bonsoir à toi, Elisabeth. Ouais, ça va. Et Martin, qui arrive... qui arrive un peu en retard, mais qui arrive là. À la bourre, mais c'est pas grave. Hein. Bon, c'est normal, il habite Paris, nous, on vient loin. T'habites dans quel coin? Champ de Mars. Voilà. Ah oui, donc t'es grave loin quoi. Je suis super. Je comprends. Super, t'as eu, t'as mis un peu de temps à arriver. Non, je sais bien. Pas que dans le jeu, c'était le millionnaire. C'est vrai. C'est vrai. Bah alors pour resituer justement, Martin, donc toi t'es rentré bah, juste une semaine. Oui, mais c'est pas mal déjà. Hein. Donc en arrivant, t'as dû te faire. Donc t'as dû te faire passer pour le mec de Cindy. T'auras l'occasion donc de t'exprimer tout à l'heure, bien évidemment à propos de Cindy, sur le secret, tout ça. Tu une partages... semaine en étant le mec de Cindy, c'est déjà très ouais, fort. Non mais je veux bien croire. C'est tenu hein, 3 jours, c'est déjà pas mal. Je veux bien croire. Donc le secret, donc tu le partages avec FX, donc tu es millionnaire. Exactement. Et donc tu es depuis 2 minutes le meilleur ami du roux. Ouais, je t'apprécie beaucoup. J'ai voyé ta casquette. On ira dîner ensemble un de ces quatre. Parfait. À tes frais. Ah bah. Non, ça marche pas. Sauf que si tu avais lu mon blog, tu saurais que FX n'est pas millionnaire, mais bon. Ah ouais, mais c'est pas grave, ça. T'inquiète pas. Dire, si pour appâter les millionnaires, faut toujours les inviter à manger au départ. C'est d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un investissement. Voilà, bah, je t'invite. Il y a un grec à côté. Je peux pas. Ouais, avec les bases. Bon. Et donc ton côté, donc Elisabeth, en ce moment, donc t'écris un livre sur Secret Story. Il paraît, ouais. Bah, il paraît, ouais. Donc t'as été recherché par Interpol pendant 2 ans. Toujours maintenant. Ah toujours. Est-ce qu'il y a aussi un wanted? Putain, on va se faire de l'oseille ce soir, les mecs. Je crois qu'on est. On a bien fait de venir, hein. Ça va être très rentable ce soir. Donc Elisabeth, on dit Mérine ou Mesrine? Moi j'aime bien Mesrine. Ouais. Mais Mérine, vous pouvez le dire. Ah je sais pas, moi je, après je demande. Enfin ça n'a rien à voir avec le gang des postiches. Aucun rapport. Ah je sais pas. Ah, non, c'est plutôt gang des un peu la même époque, oui vous avez barré sur votre. Non pas du tout. Non pas du tout. C'est juste pour me retrouver dans les questions que j'ai, ouais, sinon après je me perds. Ça appartient plus au gang des postiches, à l'affaire du gang des postiches. D'accord, ah, ok. Voilà, bon, il y a eu un film il n'y a pas longtemps avec Vincent Elbaz. Tout à fait, effectivement. Et ton mec était joué par qui? Ou ton ex? Bah, en fait, dans le film, là, c'est plus l'autre personne qui était avec nous, en cavale avec nous, qui a été mis en exergue dans ce film. Nous, notre histoire, elle a été montrée dans un autre film. On a fait Cannes, on a fait Festival de Cannes en 2004 quand même. Ah oui, quand même hein. Comment s'appelait le film à l'époque? À tout de suite, c'était un film de Benoît Jacquot. D'accord, très bien. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Je veux bien le refaire avec Luc Besson, ça serait... Ce sera peut-être plus rentable, effectivement. Bon, en tout cas, merci à vous trois d'être venus. On en avait aussi invité d'autres qui, malheureusement, ont décliné l'invitation. C'est malheureux. Oui, bah voilà, exactement. Oui, c'est bizarre. Hein. Pourquoi Jean-Claude? C'est ça. Pourquoi, à ton avis, ils ont refusé de venir, Jean-Claude? Où sont-ils, d'ailleurs, nos copains? C'est une question, en fait. T'as vu, Jean-Claude, c'est bien parce qu'il est au milieu, on dirait le papa. Est là au milieu. Il a son non, je suis plus âgé. On va faire une devinette. Il en manque une. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Une question d'oseille. Très bien. Bon, en tout cas, on en reparlera dans quelques minutes. Si vous avez des questions à poser à propos de Secret Story, n'hésitez pas, bien sûr. 6, 11, 12, débutez le message par M-I-K-L, bien sûr. Ça marche aussi sur le site mikl.fm, où vous pouvez voir, bien évidemment, qu'ils sont là, bien entendu, en chair et en os. Hein, y compris la police peut le voir également. Je dis ça, bien sûr. Hein. Hop, je dis ça, je ne dis rien. Au moins, je vous attends à la sortie. On va aller au chaud ce soir, les enfants, c'est bien. Jean-Claude aura un alibi s'il se passe un truc là-bas. Oui, il était là. Il était là. Il est là. Et c'est filmé. On n'y peut rien, nous, c'est comme ça. Mikael, le podcast. Si vous avez des questions à poser à propos de Secret Story ou autre chose, bien sûr, hein, n'hésitez pas. 612, vous débutez le message par Mikael et puis vous laissez votre numéro de téléphone ou alors sur le www.mikael.fm où vous pouvez voir la webcam qui est aussi retransmise d'ailleurs hein, sur elfaciscoolblog.com. Scoop, blog. Scoop. C'est cool scoop. Aussi, mais c'est scoop. Scoop. Oh, ça va. C'est quoi? C'est une lettre? Deux lettres qui changent. Ouais, ça change presque rien. Ouais, c'est ça. Si vous tapez sur Google, il vous corrigera tout seul. Hein. C'est pas un problème. Hein. Donc elle facilite. Oui, c'est vrai que je me suis dit pourquoi Scoop? C'est cool. Donc voilà, alpha6coupeblog.com. Si vous voulez aller jeter un œil, il n'y a pas de problème, vous verrez la webcam aussi en simultané, même avec le son. J'en profite pour dire bonjour à Jean-Baptiste. Je pensais dire Jean-Baptiste, maman. Le web, mon webmaster qui est assez fantastique, que je réveille nuit et jour pour bosser. À toi aussi alors. Ouais. Un truc de fou. Merci Jean-Baptiste. Voilà, attends, on a vérifié, ça marchait. Merci Jean-Baptiste. J'ai bien vérifié, ça marchait. Merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Voilà. Merci beaucoup à toi Jean-Baptiste. Bon, bah voilà quand même. Faut quand même pas déconner non plus. Hein. Bon, pas mal de questions à vous poser donc sur l'émission évidemment. Avant ça, on a vu une info. Putain, ouais. Merde, j'ai oublié où. Ah, je sais c'est, plus c'est ballot ça. Tu sais plus? Ah, c'est non, sur internet, il y a tellement de trucs. Ouais, il y a tellement de trucs. Hein. C'est Barbie, donc alias Sandro. Angie, bien sûr. Hein. Voilà, c'est ça qui. Qui est sorti la semaine dernière, je crois. Oui, oui. Qui est sorti la semaine dernière? Je sais plus. Quand est-ce qu'elle est sortie? C'était jeudi. Oui, tu parles de. La dernière qui est sortie. Non, vendredi dernier. Vendredi dernier, voilà, c'est ça. Et malheureusement, elle a chopé le syndrome du Star System. Ouais, oui. Et paraît-il, en tout cas. Enfin, je sais pas si t'as plus d'infos, évidemment, Jean-Claude, tu pourras me corriger si je me trompe. Vas-y, dis-moi. Apparemment, elle aurait été à Toulon. En fait, ouais, elle fait des soirées donc dans les boîtes comme font tous les candidats quand ils sortent en général du jeu. Voilà, c'est ça, elle profite. Payé. C'est normal. Payé, bien sûr. On va dire que c'est normal, entre guillemets. Sauf qu'elle a voulu arriver dans des. Enfin, tu sais, genre le truc de luxe, quoi. Limousine, champagne, VIP, tout le bordel. C'est pas Jennifer Lopez non plus. Ouais, hein. Non, ça c'est sûr, hein, ça je te confirme. Et donc apparemment elle se serait faite pas tèche, mais on lui aura balancé les dos sur la tronche. Bah, ça a un peu saoulé tout le monde, du coup, elle s'est pris des glaçons en pleine gueule. Ouais, ça a pas saoulé elle, puisqu'elle a pas eu à boire finalement. Non. Non, ça l'a pas refroidi non plus. Donc apparemment ce serait le cas, donc elle se serait fait tèche, c'était à Toulon. Donc si jamais vous avez été vous étiez sur place, n'hésitez pas à nous en parler. Mais c'est un virus de télé-réalité, je sais pas si vous vous rappelez. Le Star il y System avait... Ouais. Ouais non mais il y avait comment il s'appelle l'ancien Secret Story. Le basketteur et la Xavier et Tatiana. Xavier et Tatiana, ils s'étaient pointés à un mariage corse. Ouais. Et ils se sont fait jeter mais comme des merdes. Ils se sont fait insulter d'aller à un mariage corse. Ouais mais tu te pointes pas à un mariage. Ouais. Enfin elle, pour le coup elle est dans une soirée, elle s'est fait jeter des glaçons. Bon. C'est vrai. Donc je sais pas si t'en sais un peu plus peut-être. Jean-Claude. J'en ai vaguement entendu parler, ouais, effectivement, ouais. Cette histoire. Quand t'as besoin de deux scoops, tu nous demandes. T'es pas, hein, si tu veux qu'on alimente ton blog, tout ça. Y a pas de souci, hein. Sandro est là, bien sûr, à fond sur le scoop. C'est cela, oui. Entendu, ouais. Bon, et donc, plein de questions donc, qu'on a à poser, puisque les auditeurs ont envie d'en savoir un petit peu plus, et notamment votre avis donc, sur les candidats, si vous avez des pronostics, si vous avez des avis, bref, ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Premier son, parce qu'on va vous faire écouter des sons, devinez qui c'est. Quand je vois son attitude perso, bah, j'en pense que lui, il est chacun pour son cul et surtout pas pour le cul des autres. Voilà. Chacun pour son cul. Et donc effectivement, Martin a trouvé directement Jonathan. Hein. Oui, bah c'est Jonathan. C'est ça. Oui, non, mais c'est bien. Oui. Ah donc pour toi c'est le grand gagnant Jonathan. Non mais t'as pas buzzé, je suis désolé, t'as rien gagné. J'ai pas eu le temps. Il y a de la triche là. Bon alors un avis sur John. Bah John il est très gentil malheureusement. Enfin malheureusement. Voilà, il est très gentil. Ouais. Mais bon voilà, il va gagner, donc c'est pas forcément sa décision, mais c'est très bien pour lui. C'est pas sa décision. Comment ça? Il veut pas gagner. Je pense que c'est son désir, tu vois, mais c'est pas lui qui fait que qui gagnera, le résultat sera là. Moi, je pense d'accord. Que tout est joué d'avance. Je suis triste parce que les gens croient qu'on se déteste parce qu'on était nominés ensemble. C'est un truc qui se passe souvent, ça. Quand on est nominés ensemble, les gens croient qu'on se déteste. Donc toi, tu crois que la prod, en fait, elle est en train d'orienter complètement Jonathan vers la victoire. Ta-ta-ta-ta. T'es sûr de toi? Début, bah, dans la maison, c'est ce qui se dit. Après, on se trompe peut-être. Mais Cindy est bien placée aussi, quand même, hein. Non. Dans les quatre finalistes, les quatre derniers. Quoi, qu'est-ce que t'as contre ma copine, toi? elle est très belle et très gentille et naturelle, mais c'est vrai. C'est un gros bébé, je la connais pas. C'est ton ex, ça peut tout. C'est mon ex. On est ensemble. Ah voilà, d'accord, ok. Donc c'est pas du tout ciblé la réponse en fait. Hein. Non, pas du tout. Ah, mais ah, bon, dans la maison. Ouais. Je lui dis voilà, t'enlèves la moustache, je reste avec toi. Elle a pas voulu, on a dû se séparer. Très bien. Et donc John, vous l'avez vu donc à l'intérieur. Est-ce qu'il est vraiment leader comme il aime bien le dire ou pas? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez vous? Il y a que des fiottes à part. Donc ça pas tout. Jean-Claude, ça suffit. C'est une mauvaise langue, Jean-Claude. Moi, il est leader, c'est un peu exaspérant, voilà. C'est juste ça. Ça se voit pas. À l'intérieur de la maison, c'est un peu fatigant, mais c'est bien d'avoir un leader aussi. Oui, non, mais il était plus calme au début, mais c'est vrai que plus les jours passent dans la maison, et plus on devient maboule, donc c'est normal. Oui, bah oui, j'imagine, c'est effectivement. Normal. C'est vrai. Bon, deuxième son, écoutez pour voir si bon, vous avez aimé. Mais je t'appelle pour une réclamation. Donc, te vois, le garçon, là. C'est une tête c'est en boule, là, Jonathan là. Non, c'est Emily qui mise Vanessa là. C'est pas possible. Pas mal. Moi, c'était une imitation parce que Vanessa elle parle pas tout à fait comme ça. Donc Emily, effectivement, vous en pensez quoi d'Emily? Allez. Vas-y. Ah, vous aurez la parole tous les trois, vous embêtez pas. Bah, hein. Moi, Émilie, c'est quelqu'un pendant un petit laps de temps qui m'a un peu gonflé parce qu'elle faisait beaucoup de bruit. Et puis, je trouve que la MDI, la chambre des intrus, c'est ça Maison des intrus. La chambre, mais il n'y a qu'une pièce, de toute façon, on peut dire la chambre. Je trouve que ça l'a vachement calmée. En plus, on l'a mis avec son ennemi parce que John, elle ne s'entendait pas du tout avec. Ouais. Donc et après je trouve qu'elle est sortie de là, elle était vachement calmée. C'est le concept. Je sais pas s'il lui a fait un petit lavage de cerveau. Mais ils ont fait exprès de les mettre une semaine ensemble pour qu'ils arrivent en finale amis quoi. Mais après j'ai trouvé plus sympa, mais c'est normal, elle est au ralenti maintenant. À force ça va faire plus de 2 mois qu'elle est dans la maison, donc forcément les neurones elle se mettent au ralenti. Elle est complètement elle a pas l'engouement du départ où elle sautait partout. Elle s'est vachement calmée, je trouve. Est-ce que les neurones peuvent être mis au ralenti par d'autres choses que par le Tu veux chercher quoi? Drogue? C'est quoi ça? Les plantations quoi? Vous voulez insinuer qu'on fume des pétards là-dedans? On aimerait bien savoir. Écoutez, si moi, ça tourne. J'ai pas senti l'odeur des. Non, mais il y a d'autres choses. Son nez était bouché. Je suis très souvent enrhumée. Non, par contre, le soir, il y en a beaucoup qui prennent des antidépresseurs ou des trucs pour dormir. Stinox, Franxen, tout ça, ça y va. Ça oui. Ah oui. Et fixe, paraît-il. Si vous le dites. La question, c'est comment. La question, c'est comment ça rentre. Bah en fait, c'est la prod elle-même pour qu'il soit sage. Pour qu'il soit sage, il faut rentrer tout un tas de produits bizarroïdes et illicites. Voilà. Enfin, non, pas forcément illicite, mais en fait, donner à des gens qui n'en ont pas besoin, ça devient illicite. Oui, bah voilà, au final, ouais. Bon, et donc. Par rapport à Émilie. Oui. Sur Émilie. Ok, c'est reparti. Bah Émilie, moi j'ai rien à dire à part que, enfin, du positif. Elle est cool. Moi je l'adore. D'accord. C'est normal. Tu l'as vu qu'une semaine. Franchement, je pense qu'elle correspond bien. Au oui, c'est ça en même temps. Mais arrêtez, on va pas me prendre sur la semaine à chaque fois. T'as été lésé sur ce coup-là. C'est pas. C'est vrai. Mais par contre, t'étais en train de sous-entendre que ça serait John et Émilie en finale. Ah c'est sûr, ils seront en finale. Les quatre, John, Emily, Cindy et FX. Ouais, FX ou autre. Dans l'ordre ou dans le désordre, vous voulez. Ah écoute, je sais pas. Le cheval gagnant. Ouais, c'est ça, ouais, on peut faire un tiercé. Hein. Ouais, le tiercé, ça gagne plus dans l'ordre. Ouais, c'est mieux, hein, mais enfin bon. Bon, et alors lui, il est plus dans la maison, mais comme on parle d'Emily, évidemment, on peut pas passer à côté. Hein, est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre Emily et Léo? Moi, je me prononce pas sur Léo. Une histoire d'amour. Histoire d'amour. Ça, on s'en fout. On veut juste savoir si elle a pris. Si elle a pris quoi? Parce qu'elle a commencé son pied, je ne sais pas. Faudrait lui demander. Parce qu'elle a commencé par prendre et éventuellement, elle a peut-être une histoire d'amour en sortant. D'accord. Mais il s'est passé un truc ou pas? Puis d'après ce qu'on m'a dit, elle a pas eu le temps. Fais gaffe parce qu'il y a, il y a les flics dehors. Hein, on a mis ses lunettes, c'est jamais. Est-ce que ça serait pas du pipeau? C'est-à-dire que dans les toilettes, il n'y a pas de caméra. Sponsorisé par Burnet. C'est difficile. Hein. Ok, est-ce que ça serait pas du pipeau qui a été un truc monté par la prod? Pipeau, c'est le mot. Monté par la prod ou entre eux? Ah, il y a Martin qui fait un signe d'argent. En fait, exactement. Jean-Claude qui l'a fait en général. Tout est possible, tout est réalisable. Je t'en prie, plaisir. Je reviendrai. Non, sans déconner, on n'était pas dans les toilettes avec eux. Non, on espère qu'on voit. Donc on ne sait pas. Mais est-ce que genre la prod et la voix donnent des missions que nous, on ne voit pas? Vous qui avez peut-être regardé. Moi, j'ai donné un petit truc quand même. Je sais que quand on est nominé, ils donnent des missions pour prouver qu'on mérite sa place dans la maison. Moi, j'en ai une. Et puis je l'ai réussi. Et puis la voix était fière de moi. Elle était contente. La voix est fière de toi. Tu mérites ta place dans la maison, mais ce n'est pas passé. Ouais, ah, c'est, la télé. Ça n'a pas empêché à la voix de te virer. C'est des conneries, c'est leur faire rentrer des personnes dans un placard. Du shit dans le placard, dans la maison. Voilà. La voix est fière de toi. Ah, tu voulais faire un truc à la con et c'est pas ça. Et ça et ils l'ont pas passé. Ben non, c'est pas le but. C'est pas le but d'être vu quand on est nominé et qu'on est censé sortir. D'accord. Voilà. Bon, alors autre son, écoutez. Mais il est intelligent aussi, parce qu'on dirait pas comme ça. Mais c'est Bruno qui parle de moi. C'est bon, c'est les cheveux. Bon, je veux pas c'est quoi, c'est les petits shorts, les fourrures, les grosses lunettes, se mettre de la crème avant de dormir. Il parle des fixes. Ouais. Ah, il parle des fixes, ouais. Ouais, justement, j'avais posé la question. Donc Bruno, déjà un avis sur Bruno. Bip. Joker, moi, d'accord, le premier. Bruno, Martin. Bruno, il est. Bah Bruno, c'était mon meilleur ami dans la maison, et c'est vrai que je regarde un petit peu. En fait, t'es resté qu'une semaine. À côté. Je suis resté qu'une petite semaine. Et rebelote. C'est pas vrai. On va baliser. Alors, je suis déstabilisé maintenant. Alors Bruno. Parce que c'est la première fois qu'on me l'a fait. Oui, Bruno. Bruno, il était super. Je l'adorais dans la maison, et c'est vrai que j'ai regardé 3 fois la quotidienne. Il est. Bah, je sais pas ce qu'il fait. Bah, il a changé les garçons. Mais il est c'est génial. C'est quoi son délire? Il est amoureux d'FX ou non? Non, il est juste parce très gentil. Laisse, en tout cas, les images qu'on voit, FX lui demande de s'excuser, il s'excuse tout de suite. Non, mais il fait un peu, il a le syndrome de la photocopieuse. C'est-à-dire quand il est près de quelqu'un, il finit par lui ressembler. Ça doit être ça. Mais il est très très gentil. Il passe sa vie à dire il faut pas s'engueuler, arrêter. Trop gentil. Mais non, mais enfin, cool. Bon, il a fait des coups pas sympas là, je vais dire. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, donner l'immunité à FX, faire perdre aux autres 20 000 euros en donnant l'immunité à FX. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il devient, il devient con. Mais c'est peut-être l'effet maison. Ça voit le mérite d'être clair. Hein. Ouais, c'est vrai. En tout cas, FX, il en profite quand même. Mais FX c'est profite normal, de tout le monde. Hein, oui, d'ailleurs, tu nous parlais d'FX tout à l'heure. Tu nous dis que c'était pas vraiment un millionnaire, c'est non, ça? Non, c'est pas vraiment un millionnaire, mais Bruno non plus. Enfin, c'est pas vraiment un SDF, puisqu'il avait 17 ans quand il est parti. Il avait quand même une maison. Donc pour moi, c'est un fugueur. D'accord. Tu vois, un SDF, c'est un type qui n'a pas de toit. Lui, il avait un toit, donc c'est un fugueur. Et Martin n'est pas d'accord. Tu vas te faire des ennemis. Le mur, donc, hein, tu vas te faire des ennemis. Donc déjà, il y a une erreur sur le secret. Et en plus de ça, il allait, pour avoir les bonnes grâces du public, il allait raconter qu'il avait sauvé une femme qui allait se faire violer et tout, et que la femme a sorti 6 billets de 500. Viole-moi ! Non. Bah, alors, écoute, pour le remercier, alors même moi qui ai l'habitude de manier beaucoup de liquide, bah, j'ai jamais eu 6 billets de 500 sur moi. J'ai des billets de 200, j'ai des billets de 100, des billets de 50, mais des billets de 500. Oui, si, c'est ça, c'est rare. Si hein. Je demandais voilà, 6 billets de 500 à mon banquier, il alerterait tout de suite Tracfin, tu vois. Donc il tombe sur une nana qui a 6 billets de 500 sur lui, mais pour moi c'est un mytho. Et ou un chanceux. Voilà. Mais en plus, ça arrive rarement. Il raconte aussi une autre histoire et puis sa personne n'a tiqué, genre un type qui a eu, je sais plus, un malaise dans la rue pendant qu'il faisait un massage cardiaque avec la main gauche, avec la main droite il appelait les pompiers. c'est un surhomme ce type. Et alors s'il n'est pas millionnaire, il est quoi? Non, lui, non, c'est FX. Un millionnaire. Ça, c'est Bruno. Oui. FX. Mais en fait, FX, d'après ses petits camarades et tout, il squattait dans un hôtel au fin fond d'une banlieue. Son père ne veut plus entendre parler de lui. Il n'a pas une thune. Son père est cadre supérieur. En fait, il est millionnaire d'emmerde, quoi. On peut dire, ouais. C'est donc, ça. En fait, pour vivoter, il est allé jusqu'à piquer de l'argent à une de ses amies proches qui était malade, alitée au fond de son lit. Oh, putain. C'est bien, ça. Ah oh, ouais, c'est classe. Donc, en fait, quand t'es millionnaire, tu vas pas piquer de l'argent à une de tes copines qui est... Au bord de la mort, enfin, voilà, malade. Donc, tu as ta réponse, FX ne sera pas en finale, quoi. Ouais. Tu viens de le tuer. C'est possible qu'il le soit. C'est possible qu'il fasse partie des quatre derniers, c'est possible. Parce qu'il fait marrer tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, les gens, il faut savoir que c'est pas le public qui vote, c'est la prod. Guignol, oui, bah bien sûr. Faudrait que le public arrête de perdre son pognon. C'est ça, le public donne de l'argent en démol, ça sert à rien. Et voilà, jetez vos portables. Non, par contre, il y a un truc qu'on peut rappeler pour les gens qui votent. Pour les gens qui envoient les textos, vous avez le droit de demander le remboursement. Oui, d'un seul. Voilà. Voilà. Donc si vous envoyez un texto, vous pouvez envoyer une lettre à TF1 pour qu'ils vous remboursent. Et ils le font. Ah, c'est drôle. Enfin, ils doivent le faire. Ah, c'est oui, drôle, mais enfin, le coût du timbre, c'est ton. Ouais, mais par contre, c'est aussi cher. Après, si vous bossez dans une boîte, nous, par exemple, on peut le faire, on l'enverra ça aux frais d'énergie, et puis comme ça, nous, on n'y perd rien. C'est quoi le concept? Bah c'est légal en fait, quand c'est un numéro surtaxé, tu t'envoies ton message, un seul, hein, pas 17, t'envoies un seul message et après tu fais une lettre en disant bonjour, si je joins à ma facture, voilà, ça m'a coûté tant, est-ce que vous pouvez me rembourser ? C'est génial. Voilà. C'est la poste qui s'enrichit après. Oui, en final, il y a toujours quelqu'un qui s'enrichit au final. Et puis, ça revient en démol. Donc tu vas porter toi-même ta lettre à TF1. Oui, voilà. Ça tu peux faire. Ah ben ça tu peux faire, effectivement, ouais. Bon, sinon, pour en revenir sur vite fait sur Bruno. Donc au début, il avait un look relativement particulier. Et depuis qu'il traîne avec FX, il a changé. Alors est-ce que ça change un homme de prendre par derrière? C'est la question qu'on peut poser. Compte pas sur moi pour dire du mal de quelqu'un en tout cas. Les garçons, moi je suis pas un mec, alors ça fait quoi? Et justement, c'est toi qui es la meilleure place pour répondre. Merde. Ah, mais est-ce qu'il y a eu des trucs entre eux? Ah mais moi je pense qu'ils ils vont la demande en mariage de Angie et Romain, ça va être la même chose avec Bruno FX, je pense. C'est prévu. Une demande de Pax. Ah ouais, tu déconnes? Bah oui, je déconne. La fille qui gobe tout, ah bon? Ouais, enfin tout est crédible, hein. Ouais, bah tout est possible, hein. Mais non, mais il y a pas d'amour. Enfin, franchement, ils essaient de faire des histoires d'amour et là ils essaient d'en faire une avec deux mecs et tout. Non, je pense que FX serait pas contre. FX, je pense que FX serait pas contre. Il est rien, il est pas gay, il est pas hétéro, il est rien. Pour le moment, non, il a pas encore décidé. En même temps, le mariage de Angie et Romain, c'est du mytho, donc pourquoi pas faire un pipeau avec Bruno et FX? Oui, ça pourrait faire un deuxième mytho. Arrête de dire ça, tu vas lui faire paumer du pognon là. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire de toute façon en ce moment. Tout le monde se pose la question à savoir s'ils sont ensemble ou pas. Qui? Romain et Angie. Et Romain? Bruno et FX. Ah. Mais non. Mais si. Tout le monde se demande. C'est pas crédible, même Cindy et Saucisse, ça aurait été plus crédible. Saucisse, c'est le chien. Hein. Ouais, le chien, ouais. Pardon. Il faut savoir qu'Elisabeth adore Cindy et moi, je suis juste lucide, donc c'est parce compliqué. Parce que t'as essayé de la sauter, elle a pas voulu. C'est tout. Ah, d'accord. Pour le moment. pour sa défense, parce que je suis aussi un peu son avocat, il n'a pas eu beaucoup de temps de gérer le dossier. Hein. Voilà, donc, merci dire, beaucoup, s'il vous plaît, un moment, quand même, un petit peu, il faut s'arrêter. Hein. Jean-Claude, il y a un truc, parce que ça m'a, j'ai le retour dans l'oreille, mais avec un peu de retard. Tu disais que le public votait pas. C'est juste ton idée personnelle ou tu sais vraiment que les votes servent à rien? Non, bah écoute, je vais te dire, vu les gens, comment ils sont sortis, les uns après les autres, à chaque fois, il y a... C'est programmé. C'est très bizarre. Tu peux en demander à Elisabeth, ne serait-ce que, prenons l'exemple de Romain face à FX, sur tous les forums, FX était perdant, comme par hasard, il n'y a que sur le forum de TF1 où il était gagnant. Pour NJ, ça a été pareil, j'ai fait tellement de bordel, on va dire, avec NJ, qu'ils se sont dit, celle-là, il y a trop d'histoire autour d'elle, donc il faut qu'on s'en débarrasse. Donc sur tous les forums, elle était gagnante, sauf sur celui de TF1. Ouais, c'est ballot. C'est voilà. Donc. Mais tu peux pas affirmer avec des preuves que la prod trafique le truc. J'avais un indique qui ne travaille plus chez Endemol auparavant et qui m'a parlé d'une machine à voter et qui est chargé, enfin qui donne qui fait des appels en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors justement, parce qu'il doit bien avoir comment on appelle ça, un huissier, non? L'huissier, qu'est-ce qu'il fait? L'huissier, il n'est pas derrière. Pour est-ce que c'est un huissier comme Toff qui est huissier aussi, hein? Bien sûr, je suis huissier. Non, en fait, l'huissier, qu'est-ce qu'il a? Il voit arriver le nombre d'appels. Mais il ne sait pas d'où viennent ces appels. Ces appels viennent dans des molles ou du public. Ah, d'accord. La nuance est là. Quoi. Okay. Donc, ne perdez pas votre argent, ne perdez pas votre temps. La prod, c'est qui va sortir. Surtout quand il y a des candidats qui demandent à sortir, là c'est perdu. Comme par hasard, voilà. Alors Elisabeth a demandé à sortir, elle est sortie. Romain, ouais, Nico, il voulait sortir. Mais tant mieux, heureusement, parce que sinon vous m'aurez ramassé. Mais Martin, il avait rien demandé, lui. Moi j'ai rien demandé, j'ai même crié sur Nicolas, je lui ai dit tu pleures tous les jours pour sortir. Jonathan et moi on veut rester, mais vas-y. C'était complètement idiot de le faire rentrer à une semaine des nominations. Ah, c'était couru d'avance qu'il allait sortir. Bah tu m'étonnes. Ça, c'était fait le seul aussi sûrement. Par contre moi j'ai une question à poser. Vas-y. Si, j'ai enfin l'écho, j'adore. Si vous envoyez des questions, juste envoyez-moi une réponse. Parce que je vois toujours l'enquêteur de la semaine, les questions qu'on pose pour le révélateur de vérité. Alors les questions viennent de quoi? D'internet, de je sais plus quoi. Et j'ai jamais vu ça, nulle part, sur les sites internet où on peut poser nos questions, où on peut voter pour l'enquêteur de la semaine. C'est pas faux, ça. Donc j'aimerais le savoir, si vous avez un jour voté, dites-le moi. Où? Parce que je rêve de faire ça. Oui, c'est vrai. Ah, pour enquêteur de la semaine, tout oui, comme ça. Oui, je sais pas où c'est. J'ai essayé de voter pour Non, mais tu crois vraiment que le public a voté pour FX comme enquêteur de la semaine? Je ne sais pas, demande-moi. C'est une grosse plaisanterie, oui. Bien. Demande à ton public, s'il te plaît. Si. Mais écoutez, évidemment, avec plaisir. N'hésitez pas, vous êtes invité à répondre. Je fais mal la voix. Sensuelle. Ouais, mais il faut mettre le casque. Non, mais le casque, ça va mieux avec toutes les machines et le micro, si tu veux. Ça ressemble presque. Ça ressemble un peu à la voix, c'est vrai. Ça ressemble un petit peu à la voix, effectivement. Bon, on va revenir dans un petit instant avec d'autres questions, d'autres extraits aussi à vous faire écouter et pas mal de questions, même encore. Qu'est-ce qu'on va se marrer? 11, 12. Bah, je pense, ouais. Attends, c'est pas fini. Le meilleur arrive. Ouais, le meilleur arrête arrive, d'être ouais. méchant. 6, 11, 12. Vous posez vos questions, vous débutez le message par Mickaël et puis sur Mickaël.fm. Mickaël, le podcast. Bon, sinon, il y a une question qui est arrivée de Zoro directement sur le blog de Jean-Claude. Donc, c'est arrivé à 21h33, donc il y a un peu moins d'une heure. Cindy bosse avec la prod comme Gabriel dans Secret Story 1. Emily le sait, elle l'a dit à Jonathan et Sabrina en deux molles grillés. Donc Cindy bosserait pour la prod. N'importe quoi. N'importe quoi, Zoro. Non. Tout non. est possible. Il a signé oui, Zoro. Forcément, ouais. Non, mais Gabriel, c'était officiel, c'était son Zoro. Secret. C'est vrai. Mais c'est son secret. Moi aussi, ils m'ont dit ça. Ils croyaient... Ah, d'ailleurs, Jean-Claude aussi, ils croyaient que j'étais une taupe de la prod. Et Romain m'a dit ça. Romain m'a dit, j'étais persuadé que t'étais une taupe de la prod parce qu'on peut pas arriver avec autant de handicap, c'est impossible. Et je te jure, mais ça m'a soulagé qu'ils me disent ça m'a soulagé. Et voilà. Mais... Non, Cindy, une taupe de la prod, niette. Non, ah, bon, d'accord, ok. Bon, et alors, extrait suivant, bien entendu. Public. Il n'a pas remporté sa Je suis même sûr, il aime François Xavier et ma personnalité. FX qui parle du public. Exactement, ouais. Alors lui, il est vraiment perché. Hein. Ah bah il parle à la troisième personne. Maintenant. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que je dis, il est vraiment perché. Non, il est pas perché là, il est déjà très haut. Oui, enfin oui, il est plus que perché maintenant. Oui, mais enfin, je crois qu'on a tout fait pour le cantonner dans ce rôle-là aussi. Voilà, hein. ce qui est grave, c'est qu'ils lui ont fait croire qu'il avait du succès, qu'il était adulé par le public, etc. Mais quand il va sortir, il va se prendre des tomates. Par contre, qu'il fise le ridicule, le pauvre. Le type, il va se suicider. Est-ce qu'il va aussi aller à Toulon dans la même soirée que Barbie? Il va même plus sortir de chez lui, il va se prendre des tomates. t'es des. Dès qu'on croise dans la rue, on parle de ça. On me dit, mais tu veux pas le frapper, Fix, on va le frapper. C'est là-dedans, c'est dans ce genre de choses qui vont super loin quand même. Exactement. Parce que c'est archi violent, le mec, il va se retrouver tout seul. Très violent, comme psychologiquement. Il se rend pas compte du tout. Comme il est très fragile psychologiquement, il va se suicider le type. Et attends, et le pire, c'est qu'ils font venir sa mère sur le plateau. Ouais, qui ne l'a pas vu en dehors, et elle est obligée de voir son fils sur le prime pour faire, faire de l'émotion ou je sais pas ce qu'il fait de l'audience j'imagine. Mmh. Et la mère elle est complètement dépitée, elle est démunie et ça les dérange pas de Alors moi j'adore, je suis fan, hein, je vais pas mentir. Bah, y a pas grand chose qui les dérange. Regarde quand ils ont fait venir le copain de Sabrina en direct, là c'est dégueulasse aussi. Hein. Mais le mieux c'est le copain de Cindy, le copain et la copine de Cindy qu'ils avaient à peine vu dans sa vie. Ah. Il a essayé de l'embrasser, oh ma chérie, tu m'as manqué, il a fait mais t'es qui toi ? Génial. Et la fille qui est arrivée, bonjour. C'est juste un pote à elle. C'est pas attends, et le petit copain de Maya aussi, c'est sûr. C'était même pas son petit copain. Non, c'est un ex. Bah oui, c'est n'importe quoi. Ah, c'était l'ex en n'importe plus. Quoi. Elle l'avait pas vu depuis je sais pas combien de temps. Ils font débarquer des gens qui sortent de nulle part. C'est Cindy qui disait non, moi je veux ma copine. Mais oui, là-bas. Je ne veux pas. Ça, on n'avait rien à foutre. Et lui avait foutu. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle avait dit je t'envoie des lettres, mais tu me réponds pas. Alors est-ce qu'il y a vraiment il bloque les lettres non, à l'entrée reçoit, de la maison reçoit, oui, il vole les lettres effectivement. Enfin, moi, les lettres sont détruites, sont volées. Effectivement, NJ avait envoyé plein de courriers que ses petits camarades n'ont jamais reçus. Et elle avait aussi, elle était censée recevoir plein de courriers qu'elle n'a jamais reçus. Donc dans les deux sens, on peut comprendre à la rigueur que ils acceptent pas que le courrier arrive dans un sens, c'est-à-dire dans le sens public maison des secrets, mais que ceux qui sont dans la maison secret envoient des courriers à leurs proches, ça il n'y a aucune raison de les bloquer, pourtant ils sont bloqués aussi. Donc, c'est pas puni par la loi ça? Si, c'est puni, je crois, d'un an d'emprisonnement. Ah bon, très bien. Enfin, ça va faire beaucoup ça de monde. Ça va faire du monde. Tout en démo, en prison, il va falloir encore se rire une belle. Ah, mais non, mais s'en faites pas. Et en démo, ils sont au-dessus des lois. Vous savez, ils ont le droit d'envoyer leur gorille pour défoncer les journalistes. Tiens, j'ai entendu parler de cette histoire. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, t'as ils eu des soucis, droit, toi. Ouais, de truander sur plein de choses. Donc, de ne pas faire de contrat de travail pour leurs esclaves, enfin, pour leurs candidats. Il aime bien le mot esclave. Ouais, moi, ça me dérange. Dit les esclaves à l'intérieur. Voilà. Ça, je me sens donc en fait, c'est sans doute une des seules entreprises en France qui fait travailler des gens devant tout le monde en plus, sans leur faire à la télé. Travail. Voilà, à la télé. Après, alors, ils les ont pas forcés non plus, les candidats. Ils sont. Non, enfin, mais je sais pas comment c'est passé les le casting. Les gens qui travaillent aussi dans les restaurants, qui travaillent un peu partout, même ici, on vous force pas à travailler, mais pourtant vous avez un salaire. Ah non, non, non. Donc, vous êtes pas déclaré non plus. Non, il est bénévole, Michael. On est tous bénévoles. Ah oui. Donc, il est normal que ces gens-là soient payés aussi. Ils le savent avant de rentrer dans la maison. Pas vraiment. Tu savais pas. Ils sont venus te chercher, toi, j'imagine. C'est pas toi qui fais un. Non, mais qu'ils le savent ou pas, on est en France. Il y a des lois, un code du travail. Donc ils sont censés être payés. Oui, c'est ça, parce que Endemol c'est quand même une grosse boîte, donc à la limite eux, même si le mec ne sait pas. Quand on signe, on regarde, à la limite, il y en a tellement à lire qu'on regarde même pas ce qu'il y a marqué dessus. Quoi. Ouais, parce que c'est très simple aussi, quand on donne des courriers, des contrats qui font quand même 30 pages quelques minutes avant le début de l'émission. Même pour Elisabeth, ils lui ont donné dans le confessionnal. Non, ça c'était le contrat. Des contrats. Internet, ouais. Ça avait déjà commencé, etc. Ouais. Ils peuvent pas communiquer avec un avocat, avec leur famille, avec un proche, ils ont déjà enlevé les téléphones portables. Il y a un message qui est arrivé, je t'interromps. Elfacis Vanessa Ease. Ouais, je sais. Il a fait une petite erreur, vous pouvez lui pardonner quand même. Oui, c'est vrai, on l'entend. Enfin, c'est pas nous qui allons la remarquer non plus. Hein. Qu'il le sache, hein, c'était pas important. Le souci, en tout cas, pour en revenir à ces histoires de contrat, c'est que les gens regardent et malgré ça, ils vont faire un 4 l'année prochaine, peut-être. Et il y aura quand même des candidats qui iront, alors que chaque année, de plus en plus, on entend parler de ces histoires de contrat, même dans les autres jeux. Parce que c'est un petit peu le miroir aux alouettes, c'est-à-dire que les gens qui font ce genre d'émission croient toujours qu'après, il va se passer quelque chose pour eux. Et souvent, il ne se passe pas grand-chose. Ouais, voilà. Ouais, mais bon, on commence à le savoir qu'il ne se passe pas grand-chose. Entre les candidats de la Starac, qu'on ne voit pas beaucoup, la nouvelle star, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait plusieurs années, écoute, quand même. Moi, je ne veux pas me trouver d'excuses personnellement, mais c'est une émission que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vue. Oui. D'accord. Mais il faut savoir aussi que c'est qu'ils prennent des gens qui sont la plupart du temps, je parle pas pour Elisabeth. Oui, parce que c'est c'est vrai que t'es un cas à part quand même. Ouais. T'avais un secret intéressant, ils sont venus te chercher, c'est différent. Il y a des gens qui s'inscrivent, qui veulent vraiment aller dans la maison. Ça s'inscrive. Tu vas relever Vanessa. Tout le monde se Vanessa. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, alors, le problème avec Sandro, c'est qu'elle est morte de poisson rouge. Donc si on l'interrompt, c'est mort. Tu peux me charrier sur une... J'ai fait une semaine, si tu veux. Ça marche super bien. Il a compris, Mickaël. En fait, moi, ce qu'il a raté son coup avec Cindy, tu peux le dire. Aussi, mais avec le recul, j'en suis très content. Vraiment. Tu vois, ce qui me dérange aussi, c'est que l'inspection du travail, dans toutes les petites entreprises, ils viennent emmerder tout le monde. Mais là, c'est sous leur nez, et l'inspection du travail ne débarque pas, ils bougent pas. Ils savent très bien que ces gars-là sont pas payés, n'ont pas de contrat, n'ont rien. Mais l'inspection du travail ne bouge pas. Donc il y a deux justices, il y a deux poids, deux mesures. Ça, ça me dérange. D'accord. Et alors, est-ce que ça c'est plutôt, je m'adresse à Martin et donc à Elisabeth, est-ce que de l'intérieur vous sentiez que la prod faisait tout pour vous perdre vos nerfs et votre oseille aussi, du coup, par la même occasion? Ah bah oui, bien enfin, sûr. Enfin bon, Martin, évidemment, bien moi, il a j'ai pas eu le temps, je suis resté qu'une semaine. J'ai essayé, je me suis dit, allez-y, prenez-moi pour un con, ça marchait pas. on s'en fout de sortir dans une semaine. Non, c'est-à-dire qu'on a des conditions de vie qui font qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on pète tous les plans, obligatoirement. Bah, c'est fait pour en même temps. Oui, c'est ça, c'est le concept du jeu. Hein. Ouais. Enfin, du jeu. Oui, bah, oui, si on peut appeler ça un jeu, moi j'appellerais ça de la torture. On est lobotomisé quand on reste là-dedans, en fait. Tout de suite. Mais oui, attends, toi, rien, toi. Inscris-toi pour Secret Story 4, tu vas voir. Mais reste là. Mais nous c'était drôle. Et merde-toi, pour pas toi, partir drôle, une semaine des batailles de pizza. Oui, de t'as fait trucs. Qu'une semaine. Là, je te le rappelle. Un argument qui tient. Toi t'avais combien de temps dans la maison? Ah mais Jean-Claude sera dans un mois et demi quand même. T'as fait 48 heures, c'est déjà bien. 48 heures. On peut l'honorer. Mais pas la même maison. C'est pas la même maison, un peu plus petit. Je veux dire que. Et avec des plus. Pas les mêmes candidats. Ah, il y avait des puits, toi, bon, ça va. Non, des puants. Ah, des puants. Des puants, on avait. Oui, oui, pardon. Attends, il y a Johan qui est là maintenant. Salut, Johan. Salut, Mickaël. Comment vas-tu? Ouais, ça va, et toi? Bah, écoute, plutôt bien, ouais. Bon, Johan, t'avais des questions à poser à propos de Secret Story à Elisabeth, Martin, Jean-Claude? Moi, c'était pour pousser un gros coup de gueule contre cette émission, en fait. Enfin, c'est sur Alice qu'il y a tellement de gens qui regardent et personne n'aime. Ouais, j'ai remarqué dans la liste, ça a duré, je regarde pas. Ouais, c'est ça. Martin, c'est aussi pour ça qu'on regarde. Ouais, c'est vrai. Bon, vas-y, Johan, on t'écoute. Bah, moi, je trouve que c'est tout monté par la prod, d'une part. On leur dit de faire des choses, donc je trouve ça un peu ridicule. Je te dis même pas ce qu'ils font dans les chiottes. Ouais, oui, il n'y a pas non plus de 24-24, donc on peut pas vérifier, quoi. Ouais. Aha, très ça bien, serait oui. bien qu'il y ait du 24-24, juste pour que vous voyez un peu tout ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe en vrai? Dans les toilettes, on voit pas. Tu sais qu'il y a des alors, micros y a dans les toilettes. Sexe, apparemment, ah, il y a des micros? Il y a des micros dans les toilettes. C'est vrai? Jusqu'à hier, ouais. Hein. Alors, en oui, fait, micro dans et les avec une autorisation du CSA qui dit que pour la prévention des suicides, etc., ils ont le droit de mettre des micros et des caméras où ils veulent, donc micro. Ah, donc les caméras, ils pourraient. Voilà. Non, normalement, on devait avoir une salle CSA, c'est-à-dire une salle sans rien, sans micro, sans caméra, etc. Et dans cette pièce qui était un réduit d'ailleurs, il y avait une caméra. Ah d'accord. Apparemment, on y entassait les valises. Suicide dans d'autres pays aussi, donc ils préfèrent. Si maintenant ils fument dedans, parce qu'ils n'ont plus le droit de fumer dehors. C'est pour ça que le micro dans les toilettes, t'as pu entendre les conversations qu'il y avait entre, par exemple, NJ et Romain, dans le style tu m'excites grave, des choses comme ça. Ah, mais, d'accord. Donc on sait si Léo s'est tapé Émilie. Ouais, si tu tends l'oreille, tu peux le savoir. Mais il paraît que c'était assez. Il faut tendre l'oreille parce que ça dure pas très longtemps. Ah ouais, donc il est précoce, donc on peut le dire maintenant. On n'a pas quelqu'un là qui veut poser une question là, Henri? Léo? Qui veut poser quoi? Il n'y a pas quelqu'un en ligne? Ah si, il est toujours là, t'es toujours là. Oui, Johan, t'es toujours là, hein. Oui, toujours. Ça va, tu vas bien, Johan? Tout se passe bien? Tout se passe bien, nickel. Bon, vas-y, continue sur le coup de gueule, hein, parce qu'on avait un ouais, peu... Ouais, ça fait oui, on a un peu envoyé, donc vas-y. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Ben, moi, je pars du principe qu'on n'enferme pas des gens comme ça, comme des animaux. C'est sûr qu'après, c'est sûr qu'il y a des engueulades, forcément, il faut s'occuper pendant 24-24. Donc voilà. Oui, ouais, non, mais ça, oui. Bien sûr, évidemment. Mais après, espérons que l'année prochaine, enfin, s'il y a l'année prochaine, la chaîne, enfin, 22-24. Parce que, ouais, c'est 22-24. Mais moi, je trouve que c'est idiot de dire de cantonner les gens à rien faire. On pourrait très bien, je sais pas, nous faire des pièces de théâtre, des conneries, débloquer, faire des trucs sympas. Bah, marrant, regardez rigolo, Fix, il a tout compris, hein, il a pris en pas plus, déjà. Qui animerait, non, mais qui animerait, je veux dire, ça serait du visuel, ça serait sympa. Non, mais pour ça, il faudrait qu'ils changent le casting, qu'ils prennent des gens qui soient capables de faire ça. Oui, faisons le prochain Secret Story dans un atelier clandestin. Oui, mais bien sûr. Moi, je rêve de voir Jean-Claude l'année prochaine dans Secret Story, c'est mon rêve, mon grand rêve. Non, mais au bout d'un moment, voir que les gens confessionnels, c'est chiant, il n'y a rien d'intéressant. Ouais. Mais bah, alors, par contre, c'est pas le rêve dans des molles. Hein. Non, je pense pas, mais c'est plutôt le cauchemar. On peut toujours s'accorder. C'est ça, si chirurgie esthétique, tout le bordel, il peut mais rentrer. Ouais, c'est son hein. Puis après, comme Fantomas, il enlève le masque. Jean-Claude Elfas. Et là, on fait l'audience. Là, ils vont faire l'audience. Là, ils vont faire l'audience. Bon, voilà, Johan, merci à toi d'être passé. Eh ben, merci à vous. Et tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok, ça marche. Bonne soirée à tous. À bientôt, Johan. Ciao à toi. Et alors, juste encore une petite parenthèse. Il y a même Omar et Fred qui ont un avis sur FX dont on parlait tout à l'heure. Salut, ça me remonte, bonjour. Oui, à propos de Secret Story, ben voilà, j'ai découvert le secret de FX. Oui, et donc ? Eh bien, je pense qu'il est pédé. Voilà. Voilà, je pense, ça. Ouais, je pense que ça ne sert à rien d'en rajouter à ce niveau-là. Tout est dit. Bah non, on peut pas en rajouter. Il se débrouille. Mais ouais. Tout est dit. Il est ni l'un ni l'autre. Hein. Il est. Il est asexué. Il est asexuel. Pour l'instant. Asexué, pour c'est quand tu n'as pas l'organe. C'est vrai. Il est asexuel. Il est puceau. Comment ça Oui, il le dit. Il a pas d'organe. Non, asexué, c'est quand tu n'as pas l'organe. Petit cours d'éducation sexuelle. Bien sûr. Et quand tu es asexuel, c'est que tu n'as aucune envie. Et que ce soit les femmes, les hommes, les animaux. Oui, enfin tout ça quoi. Très bien, parfait. Mickaël, le podcast. Bon, une question pour Jean-Claude là. On sait bien évidemment que t'as été loin avec ton blog, bien entendu, en balançant les noms même des patronnes dans des molles. C'est bien ça, hein, je dis pas de conneries. Ouais, c'est une insulte de balancer. Non, c'est vrai. J'ai pour ça j'ai changé d'Angélique, j'ai mis Diabolique pour ne plus qu'on la reconnaisse. Voilà. C'est vrai que ça choquait. Exactement. Mes blogueurs. Ouais. Mais alors pourquoi cette haine contre un des molles? Enfin, en fait, j'ai pas de haine contre. J'ai effectivement la haine depuis ma garde à vue. Effectivement, là, oui, je suis là, un peu énervé. Là. Pourquoi t'as été en garde à vue? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils m'ont envoyé leur gorille. J'étais en train de faire une interview, d'interviewer le mari d'Engie. À 500 mètres des locaux dans des molles. Le mari d'Engie? Ouais. D'accord. Parce qu'elle a un mari. D'accord. Elle a eu un enfant. Avec qui elle a un enfant, voilà. D'ailleurs. Ouais. Donc j'étais en train de l'interviewer justement à propos des courriers qui étaient volés par la prod. Et la sécurité dans des molles m'a repéré. Et ils m'ont foncé dessus en voiture. Et ça a été course-poursuite dans les... Ils ont même pas essayé de te parler? Non, pas si, pour me dire on va te tuer, tu n'aurais jamais dû venir ici, on va te faire la peau. Ah, en plus ils sont gentils, ouais. T'es toujours bien le bienvenu, quoi. C'est donc, ça qui est bien quand tu vas là-bas. T'as fait une erreur de venir là, on va te faire la peau, machin, enfin bon. Donc ça a été course-poursuite dans les rues, et ils ont défoncé ma voiture avec les leurs, et puis ils se sont défoncés aussi tous deux, tout seuls, comme des grands, parce qu'ils ne savent pas conduire. Et donc heureusement pour moi, tout a été filmé par les caméras de surveillance. Ouais. Et donc les flics sont venus, ont écouté leur version, ils n'ont même pas écouté la mienne, ils m'ont mis 48 heures en garde à vue, et puis une fois qu'ils ont daigné visionner les vidéos, ils ont compris que... Ils avaient fait une connerie. Ils avaient fait un gros mensonge. Enfin, non, c'est pas une connerie, me mettre en garde à vue pour eux, c'est pas une connerie. Ouais, c'était 48 heures de cool, quoi. Voilà, c'est un défouloir pour eux, tu vois, donc ils sont contents d'avoir le grand El Fassi dans leurs locaux, ils sont très contents. Mais au bout de 48 heures, ils m'ont libéré, enfin, il aurait fallu 48 heures pour voir la vidéo, tu vois. Donc voilà. Toi, alors, tu vas faire quoi ensuite? Bah, j'ai porté plainte à mon tour maintenant pour dénonciation calomnieuse, etc., pour... détention arbitraire contre les flics, le procureur, enfin j'attaque tout le monde, quoi. Bah, ce qui serait bien, c'est que tu arrives à avoir un moment d'antenne pour expliquer tout ça sur TF1 pendant Secret Story ou avant, tu vois, ça sera la classe. Oui, ça serait bien. Ouais. Ça serait la classe. Ouais. Bon, enfin en même temps tu cherches un peu aussi en faisant les photos, tu bordel. Bah écoute, je fais mon métier de journaliste maintenant, tu sais, si on peut pas s'exprimer, si on peut pas dire la réalité des choses, et ben tu vois, maintenant qu'est-ce qui se passe? T'as des sociétés de merde comme ça qui ne respectent pas les gens, tu vois, donc ils ne respectent pas leurs candidats, et ils les exploitent, ils les traitent comme des merdes, ils les utilisent bien, et puis après ils les jettent, parce qu'il faut savoir qu'après l'émission, ils ressortent tous à moitié drogués, comme des malades. Ils sont mis dans un hôtel. Déjà drogués avant l'émission. Ils sont dans des hôtels 24 heures. Et après, ils sont jetés dans la nature. D'accord. Et alors, paparazzi, journaliste, c'est la même chose pour toi? C'est la suite logique ou... Bah, en fait, j'étais journaliste auparavant, pendant 15 ans, et ça fait juste 5 ans que je fais de la photo de paparazzi. Mais bon, j'ai gardé mes anciens réflexes quand même. De journaliste d'investigation. Donc t'as gardé la carte de presse et tout. Mais en fait, c'est à partir du moment où tu vends un journal, la carte de presse, tu l'as. Hein, à partir du moment où tu vends tes photos dans un journal. D'accord, ok. Donc et là, j'ai effectivement plus de 20 ans de carte de presse. Et là, vous étiez en train de regarder la télé, vous avez halluciné de tous les voir. Oui, bah sauf vous deux. Alors par contre, c'est quoi la différence? Ce que j'hallucine, ce qui m'hallucine, c'est que ces gens qui ont en fait fait un mouvement, on va dire social, contre une chaîne, enfin contre pas une chaîne, mais contre une société, ils aient le je sais pas, le manque de, d'orgueil ou de d'amour propre, enfin ils de retourner sur le plateau. C'est-à-dire qu'en gros, ils gueulent pour prendre des molles et finalement ils retournent rendre service en démol. Voilà, ils disent oui, c'est scandaleux, vous nous avez traités comme des esclaves, etc. Tu vis qui là ? Ils ont leurs bonbons et puis ils retournent comme des petits chiens sur. Tu sais, moi, si on me paye pour y aller, j'y vais, hein, même si j'ai dit qu'ils m'avaient traité comme des chiens avant. Et nous voilà au problème de début, on ne paye pas, c'est ça le problème. Voilà, nous on n'a pas payé donc personne n'est venu chez nous. Voilà. Tu visais qui ? Il y en a certains, donc Crachet qui était venu te voir et ils ont été payés par Endemol. Voilà, donc tu vois, en fait, ils auraient pu avoir au moins un minimum de solidarité avec ceux qui vont sortir peut-être, tu vois, ou même ceux qui n'ont pas qui ont eu le courage de ne pas négocier des dessous de table ou avec des contrats foireux, voilà. Donc il y en a qui ont du courage et qui voilà qui refusent leurs petits arrangements avec des contrats vraiment foireux. Je vais pas le détail, on le donnera dans le bouquin. Oui, mais quand tu t'engages dans quelque chose, tu t'y tiens. Voilà. Ouais. Moi, c'est important. Elisabeth, elle veut vraiment une fiche de paye, elle veut être déclarée, etc. Elle ira devant les prud'hommes. Donc, ouais. Attends, Didier et Elise, ils ont quand même eu un voyage au Maroc. Waouh. C'est vachement cher, les voyages. Alors, ils avaient demandé New York. Un petit scoop sur le voyage au Maroc. Je vais vous donner un petit scoop. Alors, effectivement, le voyage au Maroc, c'est envoyé dans un hôtel qui appartient à la famille d'Hamid, le gorille en chef, le responsable de la sécurité. C'est un des types qui m'a défoncé en voiture. Donc tu vois, ça reste en famille, tu vois. Ouais. Ah ouais, là. D'accord, ok. Là. En ce qui concerne le billet, tu voulais parler du billet. Non, pas le billet. Non, tu parlais de l'équipe qui était sur revenu. Le Prime et nous qui étions là avec toi. Oui, non, en fait, c'est même pas ça. Non, je parlais des contrats. En ce qui concerne des contrats, il faut savoir qu'Élise, qui est vraiment adorable, hein, Élise et Maya, qui sont toutes les deux adorables, elles ont été, le soir du Prime, quand ils sortent du Prime, ils sont pris à partie par Angélie Sansonetti, Catherine Comte, avec deux vigiles derrière, Benjamin Castaldi qui arrive. Et ils lui rapportent un petit contrat. Il dit, bon, allez, maintenant, tu vas me signer ce contrat, comme quoi tu t'engages à ne pas poursuivre en démol. C'est ça, voilà. Clouche. Voilà. C'est bizarre. Donc elles comprennent rien. Elles disent, pourquoi je poursuis vraiment des molles? Qu'est-ce qui se passe? Non, bon. Alors ils font signer sous la contrainte ce document. Elles disent, je peux en avoir une copie? Non, pas de copie, t'en as pas besoin. Et hop, ils embarquent le contrat. Ni vu ni connu. Copie, t'en as pas besoin. Voilà. Et comme le petit Assous, l'avocat dans des molles, oui, qui leur fait signer justement ces contrats. Non, c'est Léo qui avait réussi à gratter de l'oseille, je crois, en démol. Voilà, mais il n'y a pas que Léo, les autres aussi, sinon ils seraient pas sur le plateau. Ah, donc ceux qui sont là sont payés. Bien sûr. Tous donc, payés. Voilà. Combien donc, tu sais où, hein? Bah écoute. Est-ce qu'il y a un barème? C'est genre lui il gagne plus, mais l'autre il gagne moins. C'est une moyenne d'un peu de 45 000 euros. 45 000 euros. Voilà. Donc, par heure? Ah non, pas par mois. 45 000 euros. Toi, parce que j'y vais, moi, je suis là. Mais Elisabeth, ce serait pareil. Et 45 000 euros, c'est ventilé de la façon suivante. Comme ils ne veulent pas payer de charges sociales et ne pas qu'ils soient considérés comme des salariés, ouais, ils leur donnent ces 45 000 euros pour des projets futurs. D'accord. Genre 15 000 euros pour que tu sois en exclusivité avec Endemol, alors qu'ils savent très bien que ces malheureux ne feront jamais rien avec Endemol. 15 000 euros pour faire des photos, alors que quand tu vois que la moyenne de ces personnes qui sortent de Secret Story touche à peu près 1 500 euros en vente de photos, pas plus. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ils ne valent pas leurs 15 000 euros. En gros, ils sont payés grâce à toi, là, concrètement. Voilà, ils sont payés grâce à moi. Ouais, voilà, parce qu'en fait, eux, ils repartaient une main devant, une main derrière, ils savaient même pas ce que c'était qu'un procès. Tu vois, en fait, leur casting, ils prennent quoi? Des gens qui sont simples, qui sont vulnérables, qui sont dos au mur, qui sont ignares. Donc, ils savent après, pas. Après, il y a des casse-couilles qui arrivent, voilà. Ta mère dans le milieu. Bon, j'arrive, je leur dis, vous savez, vous avez des droits quand même. Donc là, ça leur a fait un électrochoc. Qu'est-ce que ça veut dire droit? Donc, je leur ai expliqué un peu, je les ai envoyés chez un avocat. Et malheureusement, Assous les a récupérés. Et, donc, l'avocat dans des molles. Sans savoir que c'était un suppôt dans des molles. Mais voilà, puis comme ils sont tous un peu dans la merde financièrement, ils n'avaient pas trop le choix. Bon. C'est ça, d'accord. Donc, voilà. En fait, ils auraient dit, prenez 10 000, ils auraient pris 10 000. Mais on vous a proposé comme vous ou pas? De retourner, vous deux, Martin et Elisabeth. On vous a proposé d'aller au Prime? D'aller au Prime? Là, ce soir, compte de l'oseille. Non, c'est-à-dire que nous, on nous a demandé. Vous n'avez pas été parce que vous vouliez venir ici. Et ça voilà, me fait plaisir. Et ça, c'est bon. Exactement. Moi, ils m'ont proposé 10 000 pour ce soir. Et j'ai dit non, il y a Mickaël qui m'attend. Je peux pas lui faire ça. Et ça fait plaisir. Réellement, ils vous ont appelé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, ils nous appellent plus pour les primes. Enfin, moi, de toute façon, ils essayent pas de m'appeler. Ça fait déjà un petit moment. Je crois qu'ils ont compris. Mais on a eu, comme les autres, des propositions par le biais d'Assous que moi, j'ai refusées, c'est tout. D'accord, ok. Bon, et si on te propose, toi, la dernière question, Jean-Claude, pour une fortune de faire la ferme célébrité. Au moins, tu seras à côté de Daniel Ducruet. Dans ce cas-là, j'y cours même gratuit, tu vois. Ah, gratuit, il va. Bah, bien sûr. Ah, ça fait plaisir, effectivement. Oui. Bon, il rêve de bosser avec Andemol. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Tout ça, pour moi, c'est pas une question d'oseille. D'abord, je suis pas à vendre, mais j'aime que les choses soient justes. D'accord. C'est uniquement ça. Et justement, pour revenir au livre que tu fais sur Secret Story, tu fais ça juste parce que t'as la haine et que tu veux montrer à tout le monde que Secret Story, c'est ça c'est et pas, ça. Pas, parce que tu l'as mal vécu pour faire de l'oseille parce que c'est le surf. Bon, non. On ne devient jamais riche avec un livre. J'en ai déjà sorti un, je sais ce que c'est. Ah. Donc ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut rétablir un petit peu la vérité, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Et puis moi, je suis une battante, je veux dire, je suis une guerrière. Donc j'ai en plus, Jean-Claude m'en a parlé. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Voilà, et parce que d'abord parce que j'aime écrire, et puis en plus parce qu'on a plein de choses à dire et plein de choses à mettre au plein point. C'est une mise au point. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas d'accord. de haine. Et il est commencé le bouquin ou pas ? Il est très bien avancé d'ailleurs. Très bien avancé, d'accord. Allez, dernière question, il y a Louise qui est là, 18 ans. Bonsoir Louise. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien, très bien. Bon, bienvenue à toi Louise. Tu voulais poser une question, t'écoute. Oui, en fait, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jonathan Romain, pour prouver son amour à Andy, il a escaladé la barrière. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il est parti et le moment où il est re-rentré dans la maison ? Alors, je vais t'expliquer. Moi, je vais te répondre. En fait, Romain, il n'en pouvait plus d'Andy. Donc, j'étais déjà saoulé, en fait. C'est pas qu'il voulait prouver son amour, c'est qu'il voulait se barrer. Mais c'est vrai. Donc, c'est pipoté. Ils vont pas se marier. Ils veulent juste se faire de la thune à deux. Non, mais je plaisante. C'était de l'humour. Donc, il y a quoi entre les deux ? C'est plausible, hein. Ouais, il y a quoi entre les deux ? Il y a quoi entre les deux ? 15 cm Ah ça, je ne sais pas. Y a non, FX en a une plus longue, je suis désolé. Ah, t'en sais plus. C'est du pipeau. On les a tous vus à poil. Non, ils sont vraiment ensemble, 24 sur 24, il n'y a pas de problème. Ils vont se marier. D'accord. Et juste, moi je voulais savoir, Vanessa, elle est vraiment teubée ? Non. Pourquoi elle n'est pas teubée, si elle n'est pas teubée comme tu dis, elle est super comédienne. Non, elle n'a pas du tout de problème d'élocution. Il fallait pas qu'ils croivent que si je l'ai nominé, c'était que je voulais qu'il dégage. Au contraire, que je voulais vraiment justement que c'est lui qui rentre dans la maison vendredi. Et que ben, je voulais que c'est Jonathan qui partait. En fait, on a voulu faire une dictée, c'est elle qui va vous la faire. Voilà, exactement. Il va falloir écrire, attention, on va y aller. Hein. Mais le fond est bon quand même. J'ai un petit scoop, hein. Ils ont essayé encore plus de la faire passer pour une conne, la pauvre. On la voit un moment lire un livre. Ouais. Et elle est là, elle dit, je ne sais. Et on croit vraiment que c'est une autiste. Hein. et en fait, c'est juste que Romain avait pris un livre et avait tout simplement ouvert. Il avait écrit. Il avait écrit dedans, et il écrit très vite, et d'accord. Apparemment très mal. Et donc elle essaie juste de relire ce qu'il avait écrit. Et donc on a juste l'impression qu'elle ne sait pas lire. Alors, c'est pas sympa. Vous n'êtes pas gentil. Mickaël, le podcast. Et Sandro qui avait sa question là sur... Mais oui, le couple Jonathan-Daniela, puisque Martin était dans les magazines il y a deux semaines avec Daniela. Apparemment tu aurais couché avec Daniela en vacances. Ouais, non. C'est pas cool pour Jonathan. Tu ne l'as pas dit, ça, je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qui était écrit dans les magazines. Ah oui, bah les magazines, ce sont les magazines. Oui, justement. Donc tu es pas parti en vacances avec elle ? Absolument pas. T'as pas passé de temps avec elle non plus ? Non. Elle est pas venue habiter chez toi ? Pendant une semaine. Non, mais ça on le sait, tout le monde. Elle est pas repartie avec un sac à main et deux jeans. Ah, le contexte est bien plus complexe que ça. Ah, explique. Vrai, on est passé dans une des boutiques de mon père, je lui ai dit tiens. Et puis pour le sac, je savais pas quoi en faire, je lui ai dit tiens. Voilà. C'est aussi simple que ça. Elle les a pas piqué, non, elle est pas... Non, par contre... Daniela, elle était polie, elle t'a remercié. Quoi. Si tu n'étais pas sur le prime, tu m'entendrais, je t'en veux toujours pour le stylo Cartier. Et mon père aussi. T'as chouré un stylo Cartier ? Ouais, mais je l'ai récupéré tant bien que mal, mais c'est compliqué. Eh bien. Très compliqué. Ah. La meuf, elle vole carrément. Des trucs. Ah non, j'étais déçu. J'étais en train, soyez pas. Et vous y croyez à l'amour qu'elle porte à Jonathan ? La quoi ? L'amour. L'amour. Parce qu'elle a l'air folle amoureuse de lui, en tout cas. Oui, oui. D'après Oups, qui... Enfin, en fait, d'après son petit copain, son ex-petit copain, quand elle est sortie du jeu, elle est retournée le voir et lui en a pas voulu. Et depuis, paraît-il, 3 semaines, elle est avec un nouveau chéri qui habite au Luxembourg. Ah, Luxembourg, c'est bien. Donc en fait, voilà. Ouais, mais bon, elle a le droit. Mais elle est quand même amoureuse. Laisse-la tranquille. J'ai l'impression qu'elle joue sur plusieurs tableaux. Quoi. Ça fait très faux. Quand on les a vus, franchement, ça faisait très faux. Elle avait l'air vraiment à fond. Je sais pas si vous avez vu et vous avez fait quelque chose. Elle est forte. Elle est forte. On peut au moins lui conseiller ça. Pour toi, c'est du pipeau, quoi. Pour moi, c'est. Jonathan, quoi que les coups de foudre existent, j'en sais quelque chose, mais bon. Ouais, Jonathan, il se raccroche en tout cas à elle ça. Vachement parce qu'il a rien d'autre dans la maison aussi, donc forcément. Si Jonathan avait vraiment un QI, le QI d'Einstein, il comprendrait bien qu'il peut pas s'accoupler avec une moule, parce qu'elle est têtue comme une moule, comme elle dit. Alors là, ça a le mérite d'être clair. Hein. Ça a le mérite d'être clair. Je pense que Jonathan, ça lui fait un lien avec l'extérieur. D'accord. Ça lui fait juste un lien. D'accord. Et c'est important d'avoir un repère. Et alors pour finir, moins, il peut l'avoir. Tu vois. Benjamin Castaldi, qui est victime ou complice? Quoi, victime de quoi? Je sais pas. Est-ce qu'il est là et Benjamin complice et il à 100%. Essaye de faire ce qu'il peut pour victime de son humour. Je sais pas. Bon. Non, mais ce qui est bizarre. Benjamin, il va même dans la loge pour faire signer les gens. Il est le soir du prime quand il est avec Catherine Sansonetti et. Et Angélique, Angélique Sansonetti et Catherine Comte. Il est dans la loge pour inciter les gens, enfin les sortants à signer, donc il est à 100% avec eux, il dit vous n'allez pas rejoindre le clan de El Fassi, c'est un voyou, etc. Enfin. Alors c'est bizarre parce que il ne veut pas venir parce qu'on l'a appelé plusieurs fois. C'est dommage, il aurait pu venir ce soir avec moi. J'ai vu maintenant, il avait un dos là. C'est pas chez nous. La vidéo qui tourne sur internet. Mais j'aime bien Benjamin. Dans vous l'avez pas vu ça, non? À l'extérieur, il est sympathique comme bonhomme, mais. Tu dis ce que tu penses là? Non, c'est vrai. À l'extérieur, il est sympathique, mais quand il est avec ses petits camarades dans des molles, il est moins quoi. Ouais. Alors ce qui est bizarre. Je crois que c'est son attaché de presse qu'il rencontre. Tu crois? Ouais. Si ça peut vous soulager, il m'a aussi charrié sur la semaine que j'ai passée. Il m'a dit t'as fait qu'une semaine toi. Le même humour, c'est génial. Toute la France a le même humour apparemment, une semaine ça fait beaucoup rire. Oui, c'est vrai. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il a dit dans la presse qu'il était parfois mal à l'aise quand il regardait l'émission. Bon, je pense que tout le monde est un peu mal à l'aise des fois, mais lui il la présente. Et c'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est vrai. Alors on se dit, en fait, il maîtrise pas tout ce qu'il dit. Déjà, je pense qu'il a des textes qui sont écrits sur les prompteurs et tout, mais il maîtrise pas tout ce qu'il dit. Est-ce qu'il maîtrise aussi ce qu'il fait? Est-ce qu'il a envie de faire dans l'émission? Ouais, mais tu sais, même quand il présentait une autre émission qui s'appelait Langue de VIP, qui a duré une semaine aussi, enfin, qui a pas duré longtemps en tout cas, Langue de VIP, tu te souviens? C'est une émission qui n'était pas terrible. Oui, bah la preuve. Hein. Eh bien, il disait lui là encore qu'il était mal à l'aise avec cette émission parce que ça parlait de people, de paparazzi, etc. Oui, mais il est peut-être mal à l'aise. Apparemment, il est toujours mal à l'aise. Oui. Mm-hmm. Mais peut-être qu'il fait pas exactement ce qu'il veut. Bah, personne l'oblige non plus. Hein. Et par contre, lui, il est payé. Il est bien payé. Ouais, est-ce que les esclaves, ils sont pas payés et eux, ils font pas ce qu'ils veulent non plus, mais ils sont pas payés. Il est à combien, tu sais à peu près, Castaldi? Je sais pas, on parle de 600 000 euros. 600 000 euros pour tout le truc. Hein. Ouais, oui, quand même. Ouais. Alors, par soir, par là, par prime, contre, ça ferait mal. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Même 600 000 euros, c'est moins qu'avant, mais c'est bien quand même. 600 000 euros, c'est... C'est vrai, ouais, non. Je sais pas, non, je vois pas ce que ça peut être. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour, Sandro. Profitons, hein. Bah non, mais en tout cas, si vous voulez revenir vendredi prochain. Bah, écoutez, parce qu'on sait plus où aller du coup, nous maintenant le vendredi. Vous êtes les bienvenus. On va regarder Secret Story ensemble. Hein, en fait, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on reviendra pour la sortie du livre, du bouquin. Oui, sans problème. Sur Secret Story, qui je pense va jeter vraiment un pavé dans la mare, parce qu'il y aura tous les dessous de Secret Story. On a aussi un très bon indique dans la maison qui tous les jours nous donne des informations, donc il y aura de quoi vraiment rire. Est-ce qu'il y a déjà un élément que tu peux nous donner, qui est l'indique? c'est une personne en fait qui est vraiment qui a la capacité de faire passer des messages de l'extérieur à l'intérieur. Déjà, est-ce que c'est un candidat? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui a été, donc qu'est-ce que vous avez balancé? Ne lui grille pas ses indices non plus, parce que sinon on n'aura plus d'infos après. On grille pas l'indique, je disais tout à l'heure dans la voiture avec Jean-Claude, je dis à moins que la prod nous donne 2 millions d'euros, hein, un pour toi, un pour moi, on veut bien abandonner le coût du livre. 3 millions parce plaisante. Que on est là aussi quoi, tu vois, ah oui, indirectement. Mais maintenant que vous, vous êtes au voilà, courant, ouais. C'est ça. Il y a des élément. Auditeurs là, il me semble aussi, non. Un élément, un gros truc que vous pouvez nous dire. Bah, en fait, les gros trucs, on les réserve vraiment pour le bouquin, d'autant plus qu'on a une exclusivité qui est vendue pour les bonnes feuilles. Donc, c'est, tu vois, c'est déjà prévu tout ça. Vous savez quand il va sortir le bouquin ? Normalement, dernière, c'est prévu pour deadline le 4 novembre, mais on va essayer de le sortir pour la dernière semaine d'octobre. Par d'accord. contre, il y aura aussi du 24 sur 24, c'est-à-dire ce que les gens n'ont pas vu par le biais de la télé, des quotidiennes. Nous, on va révéler un petit peu ce qui se passait. Ah, bah très bien, du coup. Du croustillant. Voilà, toutes les manipulations de la prod, etc. Oh non, ils sont pas comme ça. Si, un petit peu. Mais enfin. Un petit chouïa. Ouais. Chouïa. Bon, d'accord. Voilà. Et puis je raconterai aussi mon expérience personnelle, je pense sur un ou deux chapitres. Ouais. Non, mais on essaye de faire un livre vivant, hein, ouais. Pas voilà. D'accord. C'est et un livre qui se vend. Et en plus. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est rarement. Hein. Vivant, non, mais c'est vrai au final, hein, c'est vrai. Bon, merci à vous en tout cas d'être passé. Et puis bah la semaine prochaine, si vous avez rien à faire. Miguel, j'ai besoin juste de faire un petit truc de beauf, ouais, ça te dérange pas. Bonjour à ta maman. Si t'étais resté deux semaines, t'aurais pu. Mais c'est super important. C'est TF1 m'a pas laissé le faire. Bon allez, vas-y. Je fais un énorme bisou à ma maman. Et voilà. Roby, même si tu t'en fous. Tristan. Et voilà. Et Sorel qui va faire une attaque en entendant ça. Très bien, bon bah écoute, le message est passé, il n'y a pas de problème. Hein. Je lance juste un truc. Je joins à toi. Hein. Est-ce que, peut-être on en reparlera une autre fois, mais est-ce que lundi ce serait pas la voix ? Bonsoir. Ah, c'est si, pour le moment. On a mis en téléphone, Julien, on peut essayer. Je vais juste rajouter un truc. Asus avait fait un petit coup de pub en disant qu'il avait deux personnes qui avaient mis des codes couleurs s'ils voulaient faire un procès contre la prod, etc. à l'intérieur. C'est du bidon, c'est un mythomane ce type. Des habitants qui auraient utilisé des codes couleurs. Enfin, si, Asus, je te confirme, c'est un mythomane. Très bien. Eh bien, nous en resterons là ce soir. C'est tout pour le moment. Pour le moment. Très bien. Bon, merci donc à vous d'être passé. Et puis, bon, comme je dis, vendredi prochain, si vous n'avez rien à faire, vous êtes les bienvenus. Il y a pas, on a un grand écran. On a qu'à faire un contre prime. Le contre prime. Fait le contre prime. Ouais. Le prime d'à côté. Le prime d'à côté. Le prime d'à côté, tout simplement. Ouais. Bon, merci et puis bonne chance pour la suite. Fais attention parce que j'ai pas envie de venir te chercher deux fois. Hein, au poste. Non, parce que bon, j'ai une émission de radio à faire et tout, donc bon, je peux pas être partout quoi. Ça je voulais dire. Hein. Bon et très jolie lunette de soleil. Alors c'est, je suis sponsorisé par la marque Vuarnet. Voilà. Et Alfa Romeo ils sponsorisent pas par contre. Non. Ils sont pingres. Bah dans l'état où elle est maintenant. Il vous met pas qu'ils sponsorisent. Hein. C'est clair, ouais. Change de bagnole parce qu'elle fait un sacré bon. Mickaël, le podcast. Alors on est un peu à la bourre, mais c'est pas grave. On a craché sur Endemol et on est content. On a craché, façon de parler. Non mais on en a appris des belles. On a donné des infos. On nous avons informé. Et vu que nous sommes dans l'information. On a fait un travail de journaliste, on a passé le relais à des gens qui étaient dans la maison, donc c'est très bien d'avoir leur avis aussi. Tout à fait. On peut aller demander notre carte alors. Non. Et comme on était justement dans les infos, on va directement démarrer avec le Mac du jour, de l'actu condensée à notre sauce. On perd pas temps et on démarre avec les titres du jour. Et on commence ces titres avec un record du monde en Angleterre, à Leeds. C'est un homme qui a marché pendant 29 km sur. Du verre pilé. Ah. Eh bien. Ouais. Jean-Luc Borloo a immédiatement proposé ses services pour aider à vider les bouteilles qui serviront au prochain record. Bon, et après l'exil à Strasbourg pour Rachid Alati, le secrétariat d'État au sport pour Ramayad, voici la nouvelle tactique Sarkozy pour éloigner ses collaboratrices. La députée UMP de l'Orne, Sylvia Basso, s'est fracturée aujourd'hui le poignet, renversée par le souffle de l'hélicoptère de Nicolas Sarkozy. Prends garde, Fadela Amara, bientôt la chorba empoisonnée. Bon, et ça va mal pour le petit jaune. Hein. En effet, les bureaux d'études restent sceptiques quant à l'avenir du Pernod Ricard, dont les résultats annuels sont plus qu'inquiétants. Hein. Et oui, peut-être un nouveau combat pour Jean-Louis Borloo qui a dû digérer cette mauvaise nouvelle cul sec. Et puis Laurie Bell, la boîte de prod de Bataille et Fontaine a été mise en redressement judiciaire après l'arrêt de leur émission sur TF1, la fin de leur collaboration avec Coé, leur alliance foireuse avec Evelyne Thomas. C'est un nouveau coup dur pour les deux anciens compères de Yac La Vérité qui compte, qui risque de mettre la clé sous la porte. Et oui, je crois qu'il est temps pour eux de tirer le fameux rideau. Et oui, et cette info pour terminer ces titres, hein, on ne pouvait pas passer à côté. Michael Jackson a enfin été enterré cette nuit dans un cimetière situé près de Los Angeles. Alors je vous propose en full exclu pour Énergie ce soir et pour l'émission de revenir sur sa mort avec le principal intéressé en direct de l'au-delà grâce à notre forfait Thriller Télécom. Eh oui, Michael Jackson qui apparemment est là. Allô Michael ? Yeah Michael ! Alors ça y est, cette histoire est enfin terminée. Vous avez été enterré cette nuit dans l'intimité ? Oh yes, dans l'intimité. Mais c'était pas la première fois. Je m'étais déjà enterré plein de fois dans l'intimité de ma collègue. Oh non, Michael, Michael, non, vous pouvez pas dire des choses comme ça. Surtout que vous avez quasiment été blanchi, si je puis me permettre. Merci Michael, je peux tout dire maintenant. Je sais, j'ai rencontré des gens ici qui font des choses bien pires que moi. Ah bon? Bien, ben tiens, rien que Charles Trenet, que j'ai croisé à vélo en arrivant, il en a fait des trucs dégueux. Tu m'étonnes qu'il soit un peu perturbé, Benjamin Castaldi. Oui, bon, mais et sinon, Michael, vous avez rencontré d'autres morts ou pas? Eh bien, je suis dans le même dortoir VIP que Walt Disney. C'est vrai qu'on a la même passion des enfants, ça rapproche. Ah, et Dieu alors, il est sympa? Michael, tu vas être déçu, il n'existe pas Dieu. C'est Zizou qui commande ici. Zizou? Mais il est pas mort, Michael. Vous êtes naïfs, les gars. Un type capable de rassembler un pays tout entier sans jamais ouvrir la bouche. Hein? C'est lui, Jésus. Zindine Jésus. C'est son vrai nom. Wow. Michael, je crois que t'as un peu abusé du proforol. Hein. Propofol. Propofol. Propofol, oui. C'est presque pareil. Bah, en tout cas, c'est bien. Par contre, faut que je vous laisse. Ils m'ont préparé un petit concert de bienvenue. Et je peux pas rater ça. Tupac featuring John Lennon et Gregory Marshall. Un tuerie. Ah ok, Michael. Ah, bon, bah, juste une dernière petite question parce qu'on s'inquiète un peu là. Vous êtes pas trop en manque de propofol, justement? Oh non, ne t'inquiète pas pour tous ces trucs-là. Dans la chambre d'à côté, il y a Bob Marley, Kurt Cobain. Ah oui, alors ça va. Bon, merci beaucoup, Michael Jackson. Hein. À bientôt, hein. Oh yes, quand tu veux, tu rappelles. Ok, salut Michael. Yeah, see you. Yeah, see you, oui, oui, c'est ça, oui. Bon, on passe à autre chose, la direction Le Con du Jour. Il est fantastique aujourd'hui. Alors j'espère que ça fera réfléchir tous les hommes infidèles, hein, Jack. Oui, effectivement. Par enfin, quand je dis un Jack, oui, c'est pas sous-entendu. Tu l'es, tu vois, c'est Jack qui a l'offre. J'ai mis deux secondes quand même à me dire ça, tu vois. On part aux États-Unis dans le Wisconsin. C'est là-bas que vit notre con. Et il s'appelle comment alors? Bah, on Tof, sait pas, non, en fait. Ah, par contre, on connaît le nom de sa femme, enfin de la femme avec qui il partage sa vie, c'est Tracy. Ok. Bah, non, alors il faut lui inventer un nom à ton con, hein, parce qu'il est bien con s'il en a pas. Ah, c'est pas le prénom. Ouais, on a qu'à l'appeler Georges. Ouais, c'est ça. Voilà, on l'appelle Georges. Voilà. Allez. Bon, alors, George, le prénom s'appelle Georges. La suite. Est un homme qui a tout pour être heureux, à savoir une maison, une femme qu'il aime, une vie sexuelle débridée. D'accord. Et je confirme, hein, il a vraiment tout pour être heureux. Une vie sexuelle débridée, donc, et trois maîtresses. Ah, mais c'est pas un con, c'est mon idole. Ouais, je le vénère déjà. Alors, si tu penseras la même chose quand t'auras appris que Tracy, sa femme, a découvert son secret. Ah, et forcément, elle a pas dû kiffer. Et elle a fait quoi? Bah, pas grand chose. Elle a juste persuadé les trois maîtresses de son mari de lui faire payer son infidélité. Ah, donc là, il commence à se sentir bien con. Ah, je te le fais pas dire. En fait, Madame Zeman, l'une des maîtresses, a attiré Georges dans une chambre d'hôtel. Là, elle lui sort le grand jeu. Le mec se retrouve rapidement attaché au lit, entièrement nu, les yeux bandés. J'adore. Ouais, c'est ça. C'est sympa. Alors, c'est sympa, sauf que si d'un coup, ça frappe à la porte de la chambre d'hôtel et que t'entends la voix de ta femme et celle de tes deux autres maîtresses... Ah, t'adores moins la toffe, hein. Et encore, le meilleur reste à venir. Hein. Ah, la galère. Ah oui, c'est clair, il s'est bien mis dans lui. Hein. Sa femme lui a alors enlevé le bandeau qu'il avait sur les yeux, et c'est là qu'il a découvert Madame Zeman en train de le braquer avec un fou. Oh la merde. Attends, parce que pendant qu'elle lui pointait l'arme sur la gueule, une autre de ses maîtresses lui enduisait le pénis de colle. Oh, les salopes. Pas mal. Et pour finir, parce qu'il faut finir, sa femme, la gentille Tracy, lui a gentiment fixé son pénis enduit de colle sur... sa jambe. Oh putain. Alors il est pas con mon con du jour. Ah, il est parfait, hein. Tof, un commentaire. Je jure fidélité de mon. Eh ben c'est bien noté, hein. Ça, hop là, ça en y est, c'est fait. Si y a la webcam, t'es un peu mal là. Oui, c'est sûr. Bon, les sports maintenant, on l'évoquait hier, l'équipe de France affrontera demain la Roumanie au Stade de France. Et 1000 supporters roumains ont fait le déplacement pour l'occasion. Ouais, alors pour l'occasion peut-être, mais surtout pour tous les pare-brises qu'il va y avoir à dispo au feu rouge. Par contre, de peur qu'ils se contentent pas des pare-brises, les autorités auraient dans l'idée d'enlever tous les horodateurs aux abords de l'île de France. C'est pas une vanne raciste ça? Absolument pas, il paraît qu'il y a même une fête nationale du parc Met en Roumanie. Bon, France-Roumanie toujours, la star du football roumain, donc l'excellentissime Adrian Mutu sera du déplacement au Stade de France, mais blessé, donc il ne participera pas, à la rencontre contre les Bleus. Ouais, je suis sûr que c'est Domenech, hein, qui a dû commanditer la blessure. Bah ouais, ou alors il a carrément invoqué des esprits. Quoi. Ouais, ou alors Domenech, il a juste une chatte énorme. Ouais, c'est plutôt ça à mon avis. Hein. Allez, continuons sur cette page France-Roumanie. La secrétaire d'État au sport s'est rendue donc hier à Clairefontaine pour soutenir les Bleus avant ce match décisif. Ah, putain, je me demandais. C'est à ça qu'elle sert, mais non, Ramayad. Ouais, ouais. Et elle aurait même tenu à vérifier le bon état des vestiaires. Hein. Faut dire que maintenant, elle s'y connaît en placard. Allez, bien vu, Toff. Bon, on en a presque terminé avec ce France-Roumanie. Évoquons tout de même la composition de l'équipe de France. Le fameux Raymond Domenech devrait aligner à la pointe de l'attaque André-Pierre Gignac. Ouais, c'était d'ailleurs du premier gitan à évoluer avec les Bleus. T'es sûr, parce que moi, à la dernière Coupe du Monde, je me souviens très bien avoir vu Thuram traîner sa caravane sur le terrain. Et elle avait l'air très lourde, la caravane, d'ailleurs, surtout contre les Pays-Bas. Allez, c'est fini pour le sport, on passe au bureau de vérification des horoscopes. Je vous rappelle le principe, chaque jour, on chope un horoscope donné le matin même dans la presse ou à la radio, et on vérifie si on nous a pris pour des cons. Au crible aujourd'hui, l'horoscope de MFM. Alors, attention, l'horoscope d'MFM. Bah on commence avec le tien, Mike. Bah vas-y, ouais. Bélier, des nouvelles intéressantes apportées par Mercure, la planète de la communication, vous mettent aujourd'hui de bonne humeur. Vous focalisez toute votre attention sur de nouveaux projets qui vous mettent en haleine. Le nouveau pro... Oui, des projets... oui. Est-ce que ça t'a mis en haleine? Bah en haleine, je sais pas, mais non, oui, pas oui, la c'est tienne. Vrai. Non, pitié par la tienne. Non, de préférence pas de préférence pas la tienne, effectivement, ouais. Passons au roux. Bon, bah écoute, passons au roux maintenant, c'est quel signe encore? Lion. Lion, voilà. Lion, si vous évoluez dans le monde de la création, c'est une journée particulièrement porteuse. Votre inspiration sera au top. Alors Je suis inspiré, ouais. Ouais, et qu'est-ce que tu as inspiré, roux? Ah, je sais pas. Là, je... Des plantes peut-être? Non. Non. Bon, très bien. Des vannes pas drôles, vous rigolez tous comme des bouffons. Oh, ça va, c'était drôle. Bon, allez, dernier. Cette vanne n'a pas inspiré le roux, donc non. Mauvais horoscope. C'est qui le dernier? Balance. Balance, c'est cet off. Allez, vas-y. Balance. Cupidon vous regarde d'un œil bienveillant, ami célibataire foncé. Mettez en avant vos atouts charmes. Oula, ouais, je suis un atout charme même. Et là, il va falloir mettre en avant le mec. Hein. Mais quoi? Bah, c'est un atout charme, c'est-à-dire qu'il va falloir la trouver déjà. Hein. Mais je suis le charme même. Et il n'y a pas d'autre exemple de charme à part moi. C'est avec ses têtes de con là. Bon, et ben très bien. Donc encore une fois, pas terrible les horoscopes. Non, pas terrible. Hein. D'ailleurs, on va vérifier vos horoscopes aussi, hein, si vous voulez. Hein. Il y a pas de problème. Hein. Si jamais vous avez un signe particulier, on le balance, vous nous dites si ça correspond à ce que vous avez vécu la journée. Il y a pas de problème. Hein. 611-12, débuté par Mickaël ou sur mickaël.fm. Et cette édition du Mac qui touche à sa fin. Terminons en beauté avec le quiz du jour. Qui a dit j'ai besoin d'être aimé? Elie Moon, Dieudonné ou Domenech? J'aurais dit Lara Fabian. Ouais, non. Moi j'aurais dit Dieudonné. Dieudonné. Domenech. Jack. Domenech. Eh ben vous avez tout faux, c'est Elie Moon. Bravo. Ah bah, ouais. Qui a dit le CP c'est toujours impressionnant? Oh, Maud. Maud. Je suis pas dans la liste. Maud, une maman. Vanessa de Secret Story ou Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. Oh, putain, Luc Châtel. Les trois ils l'ont dit. Les trois. Luc Châtel. Peut-être, mais en l'occurrence la bonne réponse c'est Maud, une maman. Ah ouais, je suis dommage. Allez, pour un petit triple zéro, ça peut être pas mal. Qui a dit j'évite de rouler trop vite? Mustapha. Yazid, un automobiliste qui cherche à faire des économies d'essence. Jérôme Rotten, un automobiliste qui cherche à faire des économies de points. Doc Gynico. Ah ouais. Rouler. Doc Gynico. Doc Gynico. Non, bah non, Yazid. Yazid. Ouais, Yazid. Sandro. Yazid. Je sais pas, je peux écouter. Ouais, il y a Secret Story à télé, on peut pas rivaliser. Yazid, effectivement, ouais, donc c'est pas mal quand même, ça vous fait un point, c'est pas mal. On a réussi quand même. Ouais, un pour sur terminer les la semaine, c'est bien. Ceci dit, sur la deuxième question, j'ai dit les trois, donc comme c'était la réponse 1, j'ai bon au final. Non. Allez, c'en est maintenant terminé de ce Mac du jour, un autre Mac du jour, bien entendu, un autre jour. Mickaël, le podcast. Et on a Micha, allô? Non, c'est Pablo. Ah, Pablo. Ah bah très bien. Comment ça va? Oui, ça va et toi? Ah bah écoute, ça va très bien. Hein. Bon, tant mieux. Il y a Micha de l'autre côté aussi. Allô Micha? Est-ce que vous m'entendez à Paris? Oui, c'est bon, on t'entend à Paris, oui. Bon, y'a pas de soucis. Ici, que dire que j'ai? Moi, je suis en mode Tech Beach, hein. Bon, t'es en mode vieux reporter, surtout, hein. Oh non, pas du tout. Hein, pas du bon, tout, alors, hein. Comment ça se passe, la soirée, la soirée, donc, à Montpellier? Alors, je rappelle, c'est la Energy Sexy Beach Party by David Guetta. Est-ce qu'il y a de la beach? La plage, bien sûr. Hein. Écoute, Sexy Beach n'a pas que le nom, si tu vois ce que je veux dire. Très bien. Non, y a de la meuf à gogo, il y a du beau mec, donc Sandro, désolé pour toi. Hein, je prends des photos. Bon, bah, tant mieux. Bon, j'ai une grosse surprise. Vas-y. Bon, tu sais que qui dit Sexy Beach dit David Guetta. Ouais. Oh, lancement de ringard. Je suis avec Cathy. Et je suis avec un nouveau DJ Nikos. Waouh, très bien. Bon, je vais passer David. Bah, passe-nous David, ouais. Allez, je vous le passe. Allez, vas-y, ouais. Allô, David. Comment ça va? Ça va et toi? Ben ça va, c'est normal que votre copain soit en bikini là. Elle est belle, hein, la grande. Tu parles de qui? Du grand mère ou du petit gros? la grande métisse est venue me chercher Ah bon bah, hey, t'as vu, on sait accueillir nous, hein, on sait recevoir. Hein. On t'a envoyé la plus belle de la radio. Et ça fait plaisir. Bon alors tu viens d'où là David, parce que j'ai entendu dire que t'étais comme d'habitude un peu partout sur la planète. Bah écoute, il y a tellement d'endroits que je sais même plus. Mais ah non, j'arrive ça là, voilà, c'est ça. J'arrive du visage. On a posé les enfants à la maison. Ah oui, et j'ai trouvé un jeune DJ grec là qui voulait faire un essai ce soir. D'accord. Et voilà, on est tous venus ensemble faire la fête. Super, bon ça va, ça s'annonce bien, tout a l'air au top. Ben écoute, ça a l'air très très bien. Il paraît qu'il y a déjà une grosse ambiance, donc j'espère que ça va continuer. J'espère qu'ils vont pas tous partir quand j'arrive. Non mais t'inquiète pas pour ça, va. Tu commences à quelle heure là? Ben là maintenant. Ah, tu commences direct. Okay, il est au platine là en fait. Hein. Ouais, on se rendait pas bien compte, mais. Bon bah écoute. Non mais dès que j'arrive, on est dans la voiture et dès que j'arrive, j'attaque. D'accord. C'est diffusé sur votre antenne ou pas? Ah non, malheureusement non, parce que déjà nous on n'a pas pu venir. Et donc après s'il fallait acheter du matériel pour retransmettre à l'antenne. Alors on peut le faire par téléphone. Mais... Je sais que c'est dur en ce moment. Hein. C'est ton cachet qui a tout pris, hein, donc. Ah là, c'est dégueulasse parce que je te signale que c'est gratuit ce soir. Alors là, merde. C'est vraiment un salaud. Ah, parce que c'est bientôt l'anniversaire de quelqu'un dans l'équipe, de Tov, donc si tu pouvais venir mixer à la radio, ce serait cool quand même. Hein. Bon, bah merci David en tout cas d'être passé. Plaisir. Et puis bah quand t'es sur Paris, t'hésites pas, hein, à la place de venir dormir, bah tu viens à la radio. Et aussi bravo parce qu'apparemment t'es en train de péter tous les records en vente là. Ah oui, bravo. Ouais, Black Eyed Peas, tout le bordel numéro 1. Ouais, non mais pas que Black Eyed Peas, David Guetta, c'est numéro 1. Non mais le morceau avec Black Eyed Peas, ça je voulais dire. Ah ouais, d'accord, le morceau avec Black Eyed Peas, voilà. Oui. mais comment te dire qu'il est sur l'album des Black Eyed Peas? Oui, je sais. Ce qui est pas mal, c'est que je me suis battu moi-même. Parce que c'était I Got a Feeling qui était numéro 1. et nous, on est passé numéro 1 avec Sexy Beach. C'était marrant, la semaine dernière j'ai fait les interviews en Angleterre hein, et alors il y a une émission hyper importante qui s'appelle le Chart Show. Mmh. Un mec dit, alors cette semaine, est-ce que ce sera David Guetta ou est-ce que ce sera David Guetta? Eh bah, ben David Guetta. Ouais. Donc finalement c'était David Guetta. T'en mets un troisième parce que comme ça t'es dans. Ils font toujours des concours à la fin pour savoir oui quel est le top 3, comme ça tu pourras faire David Guetta, David Guetta, David Guetta. Mais t'inquiète pas, je suis en train de préparer un truc, là j'arrive avec une grosse arme de guerre de destruction massive. Bah diffuse-la en exclu chez nous. Bah oui, c'est ça, envoie-nous le CD. Pas de problème. Bon, dès que c'est mixé, je vous envoie ça. On compte sur toi. Ouais, je vous fais une bise. Bon allez, gros bisous, bonne chance et amuse-toi bien. Salut. Ciao, ciao. Donc ça c'est Pablo, hein. Ça c'est sur la plage. Allô. Je suis sur la plage. Ah ouais, d'accord, ok. Donc Pablo il est sur la plage. Eh hey, Pablo, juste pour nous faire rêver, t'es torse nu? Ah mais complètement, je suis dans quel saut. Ah c'est beau, on ça c'est le rêve. On m'a planqué mes fringues. En fait il faut savoir que Pablo est dans la mer. Hein. Oui, bien sûr, une baleine à la mer. Michel. Oui, attends, qu'est-ce qu'il y a Micha? Ouais, mais dis-moi, j'ai un petit DJ là à te présenter. Ah, comment s'appelle-t-il? Bah écoute, je vais te le passer, il va se présenter lui-même. Bon bah vas-y, DJ Lou. Bon, passe-le-nous. Allô? Oui, bonsoir. Ah, oh, c'est DJ Lou? Comment ça va? C'est le loup à l'appareil. Ça va, le loup? Bah je comprends pas, Nikos, comment tu vas faire pour être dans une demi-heure à la radio là pour le 6-9? Mais t'inquiète, t'as changé la bonnette du micro, je parlais ce matin, j'ai la grippe. Non, mais j'ai pas de bonnette malheureusement, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, il faudra qu'on se voit d'ailleurs pour ça. Pas de bonnette, bah, alors je suis venu avec mes vinyles 78 tours des Bistrosos. Ça te fait rire ça. Quand je t'aime, il est midi ou minuit. Alors, tu vas lancer au paradis, Nana Mouskouri. David Guetta est numéro 1, il est numéro 2, mais je serai bientôt numéro 1 avec un remix de It's 5 o'clock and I walk in the end. Tu veux que je le fasse avec la boîte d'Emmy? Allez, vas-y. Je pense que ça peut être énorme. 5 o'clock, I walk. Je crois qu'il a envie de quitter la bagnole, David. Je crois que tu lui fais honte, hein. Enfin moi je dis ça. J'ai Cathy Guetta qui va te faire un petit coco aussi. Cathy est avec moi. Mais vas-y, passe-la nous. Bah, je vais te faire passer tout de suite. Bon, très bien. je crois que je suis viré en DJ, je ne sais pas d'avenir. Ouais, je vous embrasse, bonne émission les gars. Allez, ciao, Nikos, bonne nuit. On va s'éclater, on va penser à vous. Un petit détail, j'ai vu Mustapha et Flo se faire le maillot tout à l'heure, j'ai pas compris pourquoi. Attends, juste Nikos, avant de nous passer Cathy, pourquoi vous qui venez d'arriver, vous êtes là-bas, nous qui nous faisons chier depuis 5 ans, on est là? Bah parce que je suis... Bah c'est comme ça mon vieux. Il a pas à te dire parce que je suis Nikos. Ouais, mais bon, j'ai un erreur si tu veux qui part vers 3h du mat, mais tu arrives mardi si ça t'intéresse. Non, bah c'est grave, t'emmerde pas, bah, c'est pas très grave. Allez, on compte à vous les gars, allez, bon courage. Ciao, ciao. Allez, je vous passe l'atelier. Ouais, bah oui. On pensera à vous, genre. J'aime bien ça. Allô Cathy. Comment va la patronne? Bah la patronne va bien. Bon. Écoute, elle a quitté son île d'Ibiza pour retrouver mon pauvre, pour trouver Montpellier, mais ça va. Ah bah ça va, c'est bien. On va donner une petite note d'Ibiza sur les plages de Montpellier. Ah ouais, parce que ça aurait pu être pire, t'aurais pu quitter Ibiza pour arriver à Dunkerque. Ouais, la place de Dunkerque, c'est moins de l'amour tout de suite. Oui, non mais là je te dis tout de suite, quitter Ibiza pour aller à Dunkerque, là tu me le fais pas faire. Hein. Ça tu oublies. Ah, ça aurait été la énergie sexy garbage party. Non, moi je reste sexy bitch. Moi. Ouais, c'est toi qui as organisé ce soir? Un petit peu, ouais, j'ai aidé. En fait, c'est elle qui donne des conseils. J'ai choisi le lieu et voilà, donc, ouais. Bon, tu mixes. Un petit coup de feeling spécial Cathy. Bon, tu mixes un peu quand même ce soir là. Ah non, mais moi je mixe tout. Moi j'accompagne. Aujourd'hui, je suis en femme de David Guetta. D'accord, ok. C'est pas mal comme boulot aussi. Ouais, ça. C'est bien. C'est pas mal. De temps en temps, ça fait du bien. Dis-moi Cathy, votre nouveau là, le petit grec, tu crois qu'il a une chance ou pas au DJ? Bah écoute, je vais bien l'écouter pour savoir si à Ibiza il a une petite chance, tu vois. Bon, je sais pas, on verra. En première partie des Fuck Me, non? Ça, c'est moins gagné. C'est clair. Ça pourrait le faire, Fuck Me, I'm from Mykonos. C'est crédible, hein? Ouais, c'est vrai, ouais. Les mecs bourrés vont pas voir la différence. C'est pas mal, ça, comme slogan, j'adore. Fais-le, par contre, tu n'oublies pas que ça vient de moi, si tu l'utilises. D'accord, donc, ok. Tu fais un petit papier. Je reverserai quelques petites royautés, t'inquiète pas. Ah bah, avec plaisir. Je n'oublie jamais personne. Bon Cathy, merci à toi en tout cas d'être passé. Et puis la prochaine fois que David vient, n'hésite pas à venir. Hein, parce que d'habitude il dit non, elle peut pas venir, elle garde les gosses. Ouais. Parce que si t'entendais tout ce qu'il dit pendant que t'es pas là. Non, mais ça va pas. Pas vrai. Non mais la prochaine fois je viens toute seule. Ah bah parfait, tu seras la bienvenue. Y a pas de problème. Bon, je te fais merci. Des bisous Cathy. Moi aussi, des gros bisous. Tu peux me repasser notre grande amie que nous avons envoyée spécialement. La princesse d'ébène. La princesse métisse. Il est assez anxieux, hein, il faut un peu le décontracter là. Oui, hein, t'as vu. Je le sens stressé. Si tu connais quelqu'un qui peut le décontracter, n'hésite pas à lui présenter. Hein. Ah, écoute, je vais voir ce soir. Il préfère les hommes. Il y a moyen. Parfait. Bon, allez, gros bisous, Cathy. Je vous embrasse, gros bisous. Ciao, bye bye. Ciao. Bon, Pablo! Oui, je suis Michael d'Energie, bonjour. Michael, excuse-moi. Quelle honte! Oui, mais j'ai pas d'autre moyen de trouver des meufs, donc je suis obligé. Hein. C'est ça, ouais. Bon. Pablo, tu n'as pas encore changé de nom, parce qu'il faut savoir dans l'équipe quand on sort, quand on va en soirée. Je suis Teuf, bonjour. Mon chien est opérationnel. Attendez, parlez pas tous les deux en même temps. Quand effectivement, surtout les Mexicains et Sandro vont en soirée, une fois bourrés, ils s'appellent autrement, hein. Ils ont un autre nom quoi, un autre prénom. Donc je voulais savoir si Pablo avait changé de prénom ou pas. Attends, encore. Pablo, tu t'appelles comment? Moshe. Hein? Moshe. Ah, il est bourré. Comment s'appelle Michel? Michel, tu t'appelles comment? Bah moi c'est Kili, parce que ce soir je vais chanter en fait. Il s'est tourné de torcher. Ouais, bah bien sûr, il va remplacer Kelly Roland. Mais j'aimerais bien connaître le petit nom de Sandro. C'est quoi Micha? Ouais. C'est quoi le petit nom de Sandro quoi, elle est bourrée? Moi c'est Mamadou, hein. Non, parce que c'est vrai, lui c'est Mamadou. Et Sandra c'est quoi? Et Sandro c'est quoi? C'est comment déjà Sandro? Attends. Je sais plus. Tu te souviens Pablo ou pas toi? Je crois que ça doit être Tara, un truc comme ça. Tamara. Voilà, c'est ça, ouais, c'est Tamara, effectivement. Bon les blaireaux. Ouais, par contre j'ai deux auditrices qui veulent te parler, qui veulent faire un petit coucou. Bah vas-y vite parce que dans une minute il faut qu'on ferme. Ok, quitte pas, c'est la passe. Allô? Allô Mickaël? Salut, comment tu t'appelles? Lisa. Salut Lisa, ça va bien? Ouais, toi? Bon, ça va, c'est l'éclate sur la plage? C'est trop reviens à Ibiza avec Pablo. La navigateur n'est pas encore là, mais il va arriver là. Ah ben, on vient de l'avoir au téléphone, donc effectivement, il va arriver dans pas longtemps, hein, c'est clair. Et ben, merci pour les places. Et merci pour les tests. Franchement, vous gérez. Ah, avec plaisir. Gens, franchement, c'est meilleur, quoi. Avec plaisir, ouais. Lilou. Je te passe ma meilleure amie, là. Allez, vas-y, on speed, ouais. Je peux faire une petite dédicace. Allez, vas-y, ouais. Ben, gros bisous à tous les Montpellierains, à Eva, à Mélanie et à tous ceux qui m'écoutent et qui me reconnaîtront. Bon, on embrasse Dunkerque aussi, parce que ça fait deux jours de suite qu'on est taille les pauvres. Ouais. Salut à toi, Lisa. Bisous. Ciao, bye bye. Et la copine, elle s'appelle comment? Allô? Oui, comment tu t'appelles, la copine? Fanny, très bien. Bienvenue, ouais. Fanny, comment ça va? Bah, ça va super. Hein. Dis-moi, physiquement, comment tu trouves Pablo et Micha? Pablo, il est un peu trop gros. Et Micha, il est trop grand. Attends, Fanny, si je puis me permettre, combien mesures-tu? Ouais. 1m57. Combien pèses-tu? 47. Quel est ton tour de poitrine? Je sais pas. À peu près. Je sais pas, 90 B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Le quoi? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Oui, tu as raison, ne finis pas avec Pablo. Demande-lui mon numéro, je te rappellerai. Bon, bah c'est mort. Ah, ah, c'est dommage. Bon, je vous fais des gros bisous, les filles. On récupérera Micha et Pablo dans pas longtemps, enfin en tout cas avant la fin de l'émission. Mickaël, le podcast. Il fallait que je vous en parle. Il y a une étude qui vient de tomber qui remet en question tout ce qu'on connaissait sur l'intelligence. Tof, tes parents sont riches? Non, je sais pas, non, je pense pas. Non, tu sais, si tes parents sont riches, je crois. Ouais, non, mais non, ils sont pas riches. Bon, enfin, en même temps, ils connaissent pas forcément leur compte. Hein. Et toi, Roux? Non, non plus. Et toi, Sandro? Non. Non? Bon, ils alors. Ils sont pas riches, non? Non. Bon, alors, l'étude américaine, en fait, est peut-être vraie. C'est quoi l'étude? Bah, les enfants de riches seraient plus intelligents. Attends, t'insinues quoi? Que je suis pauvre? Non, juste que t'es con. Alors, c'est une étude, j'en sais pas plus que toi. C'est une connerie, non? Bah, je sais pas, Enfin, c'est logique, si t'as beaucoup d'argent, tu peux envoyer tes enfants dans les meilleures écoles, donc forcément, ils deviennent cultivés, donc ils sont plus intelligents. Enfin, Est-ce qu'ils ont testé les enfants adoptés? Et bah, ça marche aussi avec les enfants adoptés. Alors, d'après les études, les parents intelligents gagnent plus d'argent et transmettent leurs bons gènes justement à leur descendance, qui obtient donc de meilleurs résultats au test scolaire. Et donc ils se nourrissent mieux, ils ont moins de problèmes de santé. Voilà. Et est-ce qu'ils baissent mieux? Parce que c'est ça le plus important. Oh. Non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les riches mangent plus. Et ça, c'est important. Effectivement, oui, tout à fait. C'est vrai, mais on fait quoi alors? On fait quoi? Bah, de toute la bouffe. Bah, tu la bouffe. Ah bon. C'est cool. Ah, moi, j'ai une question là, sur votre théorie. Ouais. Si les riches ont des enfants intelligents, on fait quoi avec Paris Hilton? Ah, c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on va faire de cette pute? Quelle violence gratuite. Elle détruit toute l'étude Paris Hilton. Allez, et bon, Nicole Richie, on l'oublie aussi Nicole Richie. Oui, elle c'est vrai. Elle a adopté, hein. Ses parents sont riches et célèbres. Et elle explose ton étude, hein, Nicole. Eh ben grâce à Paris justement, on va ruiner leur étude justement. Et on a une preuve, puisque on a une prod où Paris Hilton essaye de vendre sa maison. Écoutez, les riches ne donnent pas que des enfants intelligents malgré tout. Hein. Désolée, j'avais oublié d'ouvrir la porte avant de sortir. Bonjour, mademoiselle Hilton. Je viens par rapport à l'annonce pour la location de votre maison. Yes, entrez. Pour pas salir, essuyez-vous la tête avant de rentrer. Faut plutôt s'essuyer les pieds, non? Non, c'est pas la peine. Hey, attention, ça c'est Tinkerbell. Pardon. Bon, on peut faire le tour du propriétaire? Yes, but vous préférez pas faire le tour de la maison plutôt? si, ouais. Alors venez. Alors, nous allons entrer dans le hall. Par contre, faites attention, il y a un esprit qui répète tout ce que vous dites. Voilà, c'est ici le hall. Vous l'entendez? Mais c'est l'écho, ça. C'est l'écho, ça. Vous le connaissez? Non. Enfin bon, vous avez d'autres pièces? Oh non, désolé, j'ai que des billets. Oh là, mais c'est chaud, comment t'es conne toi. Oh, merci, c'est gentil. Bon, je vais vous montrer les chambres. Voilà, elles sont toutes là. Mais vous avez 7 chambres? Yes, une chambre pour chaque mois de l'année. Et c'est dans celle-ci que j'ai fait le sex tape. Ah, d'accord, ok. Par contre, je vois que vous avez 12 salles de bain. Oh yes, une pour chaque jour de la semaine. Si tu pouvais réfléchir un peu, s'il te plaît. Ouais, désolé. Par contre, vous avez bon goût, hein. Ils sont assez jolis, les barreaux de votre balcon, là. Non, ça c'est Nicole Witchy qui est passée nous dire bonjour. Hi, Nicole. Bon, on peut voir la véranda? Yes, of course. On peut boire un verre en bas, on peut boire un verre en haut, on peut boire un verre où vous voulez. Bon, c'est pas grave, laissez tomber. Mais, et c'est qui la dame là dans le jardin? Oh, c'est maman, je vous avais prévenu qu'il y avait vue sur la mer. Ok, bon, ceci dit, vous avez quand même une super vue, hein, faut avouer. Oh yes, yes, j'ai 10 sur 10 à chaque œil. Ok, bon, bah écoutez, ça m'intéresse, hein, je vais certainement la prendre. Combien elle coûte? 400 000 dollars. Par contre, ne me donne pas un billet de 500 000 parce que je ne vends pas la monnaie. Sinon, tu peux payer cash ou par chèque. J'accepte aussi les virements et PayPal, mais pas les tickets resto. Oui, bah oui, je m'en doute bien, merci. Désolé, j'aurais bien voulu les prendre, mais je mange pas. Ok, bon, bah merci, mademoiselle Hilton. Hein, je vous rappellerai dans la semaine. Au revoir. Surtout, essuyez-vous les pieds avant de sortir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a plein d'exemples qui montrent que l'étude est fausse. Regarde Bush, ses parents ils sont riches et lui il est con. Oui, c'est vrai. Oui, enfin, FX de Secret Story, il est moche, et ben ses parents ils sont riches. Hein. C'est vrai. Je m'excuse d'avance, Toff, hein, parce que tu vas croire que je le fais exprès, hein, mais il y a quand même. Tu vas parler de ses cheveux là et de sa gueule. Je crois que la nature s'acharne contre ouais, toi. Ouais, bah rien de nouveau, on le savait déjà. Les hommes intelligents sont plus fertiles. Mais ça veut dire quoi ça? Eh ben ça veut dire que les hommes sont intelligents, plus les hommes sont intelligents, je vais y arriver, plus leurs spermatozoïdes sont de bonne qualité. Donc Toff, il a moins de chances d'avoir des enfants. Très bien, mais... Ouais, t'entends mal. Mais pardon, très bien, mais comment t'expliques ça? Bah, les hommes intelligents ont une meilleure hygiène de vie parce qu'ils ont moins de stress au travail, une plus grande sécurité de l'emploi, une alimentation plus équilibrée et qu'ils font du sport. Mais en fait, c'est pas si idiot que ça, quoi. C'est un fait scientifique. Les femmes choisiraient leur partenaire parmi ceux qui présentent les meilleures garanties de survie. Donc, au final, c'est ça. Ceux qui baissent le mieux, quoi. La taille, la force musculaire, la beauté, la symétrie corporelle ou l'intelligence, bah voilà, ça montre que le mec il va pouvoir assurer et élever les enfants et les protéger. Voilà, tout simplement. Et là, tu... ce qui n'est pas ton cas. Ah non. Non, physiquement non. Parlant, je parle. Oui, surtout. Voilà. Oh, bah, financièrement non plus. Hein. Non, c'est vrai. Il est pas riche. Hein. Non, c'est sûr, effectivement, ouais. Donc voilà, bon, bah désolé Toff. Hein. Pour ouais. Toutes ces mauvaises nouvelles annoncées d'un coup comme ça, là, je suis confus. T'as hein. Rien de ton côté, hein. Je vais aller me jeter dans la Seine, ça ira. Non, s'il te plaît, il y a déjà assez de dépollution comme déjà ça. Pollué, ouais. Non, les poissons, quoi. Ouais, j'aurais bien pensé le RER, mais j'arriverai pas, je suis pas le dernier. Non, mais attends, tant qu'à faire, parce que tu... Attends, on peut chercher. Hein. T'es pas obligé de terminer l'émission, hein, pour te suicider. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, voilà, tu peux te pendre là-haut. Au moins, ça fera un peu de bruit. Oui, sur internet. Hein, ouais, si tu te tues, sois au moins radiophonique. Faut déjà qu'il arrive à s'accrocher là-haut. Je vous rappelle qu'il a pas de muscles. C'est compliqué, effectivement. Oh. Mickaël, le podcast. Bon, on va aller chez Jean-Claude au fucking Blue Boy. Avant ça, il y a qui est là? Allô? Oui. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jean. Salut Jean. Ça va bien? Ça va et toi? Bah oui, ça va bien, ouais. C'est pas lui Jean-Claude, hein? Non, c'est pas moi Jean-Claude, hein? Oula. Je sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas qu'il participe au... Restons calme, au sexy quiz. C'est ça. Qu'on aille au fucking Blue Boy. Bon, de l'autre côté, y'a qui? Y'a Geoffrey. Salut Geoffrey, comment ça va? Ah, ça va et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien, ouais. Ça va, tranquille. Bon, Geoffrey et Jean, nous allons donc jouer au fucking Blue Boy, d'accord? Vous connaissez le principe? Ouais, oui. Parfait. Au pire, Jean-Claude vous le rappellera en fait, tout simplement. Allez, allons chez Jean-Claude. Oh non. Bonjour, ah, bonjour Jean-Claude. Ah, comment ça va, mes cochons? Bah, ça va, écoutez. Ça va, toi? Deux secondes, je parle avec Mickaël, les ennemis, calmez-vous. Ah, enfin. Vous dites mes cochons juste en parlant de moi? Ah bah non, vous étiez toutes là, mais... Ah oui, pour parler à la rousse. Bah oui, aussi. Vous avez vu, il a mis sa belle chemise que vous aimez bien. Ouais, j'adore sa chemise de bûcheron. Hein. Ah là là, j'irai couper des troncs d'arbres. Je vais te fendre en deux. Ah oui, fends-moi. Ouais. Ah, tu me présentes ton boulot? Bon, oui, t'inquiète pas, hein? C'est un chêne là. Ah bon, c'est un gros chêne? Ah oui, oui, enfin bon. Tu es déjà tout dur? Oui, enfin Jean-Claude. Pardon, excusez-nous. Bon. On va jouer au fucking Blue Boy, je vous présente Jean et Geoffrey. Geoffrey, Jean, Jean-Claude. Bonjour les pucelles, salut. Comment ça va? Ah bah ça va et toi? Bon, ça va. Jean, quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Tu es 17 ans, tu es bien jeune pour venir au fucking Blue Boy, tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. Bon, ça me rassure. Et Geoffrey, quel âge as-tu? 18 ans. Oh là là, encore tout frais tout ça, hein. Bon, c'est de la bonne viande bien fraîche, hein. Bon, mes chéris, on va jouer, vous êtes prêts? À fond, oui. Bon, alors, vous avez compris les règles du jeu ou je dois vous répéter? Oui, ça va. Ça va aller ? Je répète toujours. Bon, ouais. Je répète. Ouais. Alors, donc je vais vous poser 3 questions. Pour chaque question, il y a entre 3 et 4 propositions. Ça dépend de mon inspiration. Pour donner la réponse, vous devez crier votre prénom bien fort. Hein, comme quand d'accord. ça rentre. Bon, vous êtes prêts ? Oui. C'est dégueulasse. On y va. Première question. Combien de Français se disent satisfaits de leur vie sexuelle ? Ça s'adresse aux hommes. Hein. Petit A, 1 sur 3. Petit B, 1 sur 2. Petit C, 2 sur 3. Geoffrey, je t'écoute, mon chéri. 1 sur 3. 1 sur 3, mais non. Jean, je t'écoute. 1 sur 2. 1 sur 2, mais non. C'était 2 sur 3, vous êtes mauvais, ça ne fait pas de points. Oh. Ah voilà, un petit coup de fouet, encore un parce qu'il y en a un qui a pas reçu. Voilà. Ah, oh c'est bon. Oui, je savais que vous aimiez ça. Je savais que vous aimiez ça. Vous êtes étouffé, Jean-Claude, ça va ? Mais oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais encore des petits relents. Ça ira, on va pas savoir ce que vous aviez dans la bouche. Si, qu'est-ce que t'avais dans la bouche ? Roux. Il m'en restait. T'as vu, ça l'excite, hein ? Mais non, oui, je sais rien. Bien, c'est une grosse cochonne. Bah oui. Hein, ma chérie. Moi, allez, hein. Tu veux qu'on s'embrasse ? Non, ça va, ça continue. Oh, bon, calme-toi. Tu me mets mal à l'aise. Mais non, je t'aime, mon chéri. Bon, alors. Allons-y. Alors, deuxième question. Si dans les années 60, de nombreux films porno étaient réalisés en Scandinavie, il devait faire froid. Oui, enfin bon. Alors, le premier lieu de tournage de film X aujourd'hui, c'est petit A, Amsterdam, petit B, Barcelone, petit C, Berlin ou petit D, Budapest. Geoffrey. Non. Oui, Geoffrey, mon chéri, je t'écoute. Amsterdam. Mais non. Toi, tu es un drogué encore. C'est ça hein. Que je veux. Ah, c'est ça que tu voulais. Oui, je le savais, ma cochonne. Je veux perdre, alors. Bon, Jean, je t'écoute. Budapest. Mais oui, c'est une bonne réponse. Bravo, mon chéri. Oh, qu'est-ce que tu es fort. J'espère que tu es aussi fort dans un grand lit. Ah oui. Oh, je le savais. Alors, troisième question. Quelle chanteuse américaine provoqua un tollé aux États-Unis en exhibant un sein nu devant 89 millions de téléspectateurs réunis en famille pour la grande finale du Super Bowl ? Jane Birkin. Petit A, Britney Spears. Petit B, Janet Jackson. Petit C, Madonna. Et petit D, Sandro. Jean, je t'écoute. Janet Jackson. Oui, c'est une bonne réponse, Jean, bravo, tu as gagné. Oh, qu'est-ce que tu as été fort, Jean. Hein, tu es jeune, mais tu es fougueux, ouais. Mon chéri. Bon, Geoffrey, c'est perdu, tu as été mauvais. Mauvais. Oui, prends encore un coup de fouet, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Voilà, bon ben Jean, ce soir on va faire la fête, on va te dévergonder. Hein. Ah bah oui. Hein. J'espère que tu aimes le lubrifiant et la vaseline. Ah bah oui, bien sûr. Parce que ça va glisser de partout. Voilà. Sur ton petit corps huilé, puis on va descendre au creux de terrain. Et oui, enfin, ça va aller. Oui, c'est bon. Vous ferez ça tout à l'heure avec la rousse. Avec le roux. Ah, il reste ce soir, le roux. Ah bah non seulement il reste, mais en plus de ça, il vient jusqu'au fucking Blue Boy. Hein. Ah, ça c'est. Alors, ça m'étonne, vous n'êtes pas descendu la boîte à l'Energy Sexy Beach Party. Ah bah non, moi je n'ai pas été invité, j'étais très déçu. Bah ouais, mais la prochaine fois, demandez au roux, il a tous ses contacts là. Ah bon, il avait des contacts parce que moi ça. Ça m'aurait intéressé hein, de pouvoir bon m'occuper de cette petite soirée, de cette petite soirée, si vous voyez ce que je veux dire. Non, j'entends bien. Bon, Jean-Claude, on va pas vous déranger plus longtemps ? Ah non, j'ai du travail, vous comprenez. Bien sûr. J'ai des cheminées à les ramener. Oui, c'est ça. Allez, au revoir Jean-Claude, passe un bon week-end et bonne bourre, sortez couverts. Hein. Ah mais toujours. C'est ça. Hein, j'ai allez, des tonnes de lubrifiants de préservatifs. Voilà. Bon, Jean et Georges. Geoffrey. Malheureusement, nous avons une standardiste en carton ce soir qui me met. Alors là, elle me rappelle le jeu au cas où j'oublie, tu vois. Mais le prénom, non. Non, c'est là. Dommage. Ouais, tu découvres. Tu te plains de Micha, mais il y a pire. Bon, Jean et Geoffrey. Bon, merci à vous d'être passés. Je vous renvoie chez Dorothée au standard. On va prendre le temps. Vas-y, ouais. Alors, je fais une dédicace à Aurore, Gislain, Kevin, à toute ma famille et à ma petite sœur Sandra qui m'écoute. Ok, ça marche. Bon, et écoute, merci. À vous. Merci à vous, à bientôt, bon week-end. Ciao à vous, bye bye. Bon, bonne chose de fête. Merci Jean-Claude d'être passé donc, à bientôt. Et puis, on se mettra aussi le son de Muse dans quelques instants, puisqu'on les reçoit bientôt. Muse. Mais bientôt, c'est quand j'ai ah, c'est pas... sûr encore. J'ai eu la confirmation. Ah, Muse, c'est sûr. Qu'est-ce qui est pas sûr? Paramore. Après, ils sont pas chauds? Oh si, mais ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Je suis confiant. Muse, ils viennent quand? Je sais pas encore. Appelle-le personnellement, comme ça, ce sera confirmé. Mais j'ai pas son numéro perso, malheureusement. Ouais, on va pas te dire non. Ça, ça, t'as rappelé Bill au fait pour les dates de concert? Mais je ne connais pas Bill. Bill Tokyo Hotel, si. Bon, ça ouais, si, voilà. Si, on sait que c'est ton pote. Non, arrête. Par contre, j'ai une auditrice qui m'a dit qu'apparemment elle était à une autre radio, une autre télé, je sais pas quoi aujourd'hui. Et eux ont posé la question, Bill de Tokyo Hotel et enfin Tokyo Hotel en règle générale. Et donc ils ont dit à cet endroit-là que ils préparaient leur tournée. Donc voilà, on n'a pas encore de date exacte, mais ça se prépare quoi. Ouais, voilà. Tu pouvais dire que tu l'avais appelé, t'es pas obligé de dire que c'était mère, une auditrice qui t'avait donné. Quel casse-couille lui, c'est sur Raïs quand même. Ah mais vas-y, c'est pas grave, je veux dire. C'est pas grave de connaître Bill. Fais gaffe ou je te mets roux sur le week-end pendant tout le week-end. Sur le dos. C'est à moi qui devrais dire ça déjà. Truc insupportable. C'est ça, ouais. Enfin, à Marseille. Bon, on se met Muse maintenant avec Hysteria où on récupère. Ah, peut-être Pablo et Micha une dernière fois. Allô. Allô. Qui est là? C'est Pablo. Ah bah oui, c'est marqué dans le standard, dis donc. Pour une fois. Pablo, écarte-toi de la musique, on n'entend rien. Alors attends, parce que sinon je vais tomber. Tomber dans quoi? Bah dans la tu mer. Ouais. Non, sur la scène en fait. Ouh carrément. Oh, ah, quel star ce Pablo. Il était sur la scène, il est en mode. Tu prends toute la place. Carrément. David Guetta vient donc à commencer il y a 5 minutes. Ouais. Et donc Nico t'a fait la présentation, bien entendu avec cette phrase magique, salut les loups. Non, sérieusement. Donc personne n'a compris, mais bon c'est Nico, donc ça va. Ouais, salut les loups quoi. Ah ouais, non mais grave. Très bien. Et donc il a commencé par son titre avec les Black Eyed Peas. D'accord. Et donc tout le monde est en train de danser, tout le monde enlève ses robes, les thunes, c'est la folie quoi. Bon bah super, alors j'ai envie de dire tout se passe bien quoi. C'est cool, tu vas pouvoir récupérer des frags. Bah écoute oui, bah je suis déjà en train de me baisser là pour les prendre. Ah très bien. Mais en fait c'est bien. Parce que les gens ont pitié, donc ils t'envoient ils se jettent des fringues sur la scène, c'est ça que tu n'as pas compris. Ah d'accord, ok. Bon au moins on pourra les vendre sur eBay. Oui bah c'est ça, on fera ça comme ça effectivement. Ouais. Bon par contre on a plus de nouvelles de Micha, il est mort bourré ou il s'est fait un mec? Alors Mamadou est bourré effectivement. Donc non, il était en train de filmer sur la scène aussi. Ouais. Donc voilà, il est en train de danser, il danse nu. Ah il danse au nu aussi, d'accord, ok. Donc voilà, on va voir de l'image lundi quoi. Ah oui, oh là là. Si bon, tu savais. Parfait. Bon bah écoute, on y va. Bon bah parfait. Bah, écoute, merci beaucoup en fait, hein. Bah de rien, merci à vous, ça nous a fait économiser 2 journées de salaire. Hein. C'est sympa. Bah va falloir qu'on en reparle alors. Bah c'est tout vu, y'a pas de problème. En tout cas, Pablo, on compte sur vous pour venir à Caro avec les demoiselles, hein. Bien sûr. Y'a personne pour vous surveiller. Bah, de toute façon, moi chez Mamadou, ça très bien se tenir. Oui, ouais, bien sûr. C'est sûr ça. Tu veux qu'on te reparle d'une certaine soirée où tu rentres dans le couloir de l'hôtel et tu as insulté les gens qui étaient dans l'hôtel? Non, et... moi qui ai doux comme un agneau. Ouais, et surtout le problème de Pablo, donc alias Moshé ce soir, c'est que le problème c'est que s'il est bourré ce soir, il va avoir mal de tête toute la semaine prochaine. Ouais. Oh là là, mais... Pablo, tu bois pas ce soir. Ah non. Mais je bois que de l'eau, bien entendu. Ah non, parce que ce soir on peut pas. Non, c'est ça. C'est open bar water, donc. Ah, d'accord, ok, bon, bah, très bien. Regarde. Oula, attends, Mamadou est en train de bloquer. Regarde. Ah oui, il y a une fille qui danse et on passe son string. Oh, il est comme un fou, quoi. Bon, très bien. Ah, ouais, elle est presque nulle. Soyez pas lourdingue là-bas quand même. Ouais, c'est ça, on a l'image à tenir. Bah oui, mais t'inquiète pas. Au pire, dites que vous bossez avec Nikos. Mais je m'appelle Mickaël, ça va? Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison, ouais. Allez, casse-toi. Bon, okay. Allez, bonne nuit les deux, hein. Allez, bonne nuit. Allez, bonne à lundi. À lundi avec des photos et de la vidéo pour de l'énergie sexy beach party. Lundi, on va avoir de l'écho, je pense. Hein. Non, on va avoir de la gerbe. Mais que de Pablo, malheureusement. Enfin, non, malheureusement, je sais pas. Oui, c'était très classe, hein, ouais, je trouve aussi. C'était glamour. Ouais. Mickaël, le podcast. The P-O-L-O Show. On Energy. Non, attends, juste un détail avant. Est-ce que il y a quelqu'un au 6e étage? Arrête. Est-ce qu'il y a quelqu'un au 6e étage? Quoi, qu'est-ce qui Allô? Allô? Merde. Oui, il y a quelqu'un. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le 6e étage? Oui, il vient te répondre. Ah, j'ai pas entendu, tu m'entends? Ouais, je vous entends. Ah, parfait. Excuse-moi de te déranger, je sais que nous sommes en avance. Pourrais-tu faire ce qu'on appelle prendre la main, s'il te plaît? Mais bien sûr, Mickaël, je m'en voilà. Charge tout de suite. Parce que en faisant ça, parce que voilà, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est voilà. Fini. Voilà, mais plus vite, prendre la main, c'est fait. C'est fait, oui, c'est fait, c'est bon. Ah bah pourquoi il y a encore son petit bruitage de votre... Non, il l'a plus. Il l'a plus? Tu l'as encore là? Mais non, il l'a plus. Ah, parfait. Je te remercie. Je vous en prie. C'est parfait, parce que du coup. Mais moi, je l'entends. T'entends quoi? T'entends le bruit? Mais t'as pas le bon retour? Ah d'accord, ok, je suis en train de me vénère pour rien en fait. On fait gaffe à ton casque. D'accord, attends, vas-y, ouais, ouais, attends, on règle le détail, hein. Ouais, on fait nos petites, on fait nos petits merdiers là. C'est, c'est le moment là, en plus, vous inquiétez pas. Tous les réglages. Voilà. En tout cas, merci parce que ce qu'on appelle prendre la main. Donc du coup, ça veut dire que Polo du Polo Show ne peut plus entendre son petit bruitage, ni son petit truc à la con. Vas-y. Parfait. Allez, on peut démarrer le Polo Show. Eh ben, c'est pas bien. Salut, c'est Katy Perry sur Energy et je suis dans les Polo Show. Bienvenue dans le Polo Show et je suis vexé car on m'enlève mes bruitages et le Polo Show sans bruitage, c'est pas vraiment un Polo Show. Non, non mais c'est pas peut-être un polo mieux show. En fait. C'est pas cool. Va savoir. Il y a des gens et des gens et des gens qui me posent cette grande question depuis des mois et puis même ça fait des années. À quoi sert le Polo Show? Alors, est-ce qu'il y a une réponse à donner à tout ça? Je ne pense pas. Le Polo Show est une émission de divertissement, d'entertainment, comme disent les Américains. Hein, on est là pour faire la foire, l'amusement, pour amuser les jeunes. Hein, les jeunes qui ont des problèmes et qui se sentent pas bien dans leur peau, on est là pour ça. Donc voilà à quoi sert le Polo Show, je ne peux pas vous dire plus. Vous pouvez appeler et puis venir vous exprimer dans le Polo Show. Qui est là? Oui, alors bonsoir Monsieur Polo, le Gonzague de la Sainte-Rachidière. Bonsoir Zangoua de la je sais pas quoi là. De la Sainte-Rachidière, s'il vous plaît, veuillez ne pas décorcher Gonzague, mon prénom. Qu'est-ce que tu veux Gonzague? Oui voilà, je vous appelais au sujet de ce que j'ai entendu dans votre warm-up, n'est-ce pas? Oui, ouais, la petite émission avant le Polo Show. Oui voilà, c'était très exactement, c'est d'elle-même que je suis en train de discuter avec vous. Et oui. je tenais à apporter ma contribution et ma pierre à l'édifice à ce magnifique sondage que je viens d'entendre. Je t'écoute Gonzague de la Sainte-Rachidière. Puis-je me permettre de vous demander de me vous voyez, s'il vous plaît? Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en serai gré. Bon, vous... Bon, écoute, donc voilà, donc je tenais simplement à apporter cette pierre à l'édifice. Ouais. Et vous rappeler que moi-même, en tant que personne extrêmement riche et aisée, ouais, eh bien, je fais partie des grands de ce monde et que je suis plus intelligent que la moyenne. Par contre, t'as une voix de con, tu le sais ça ou pas? Je ne vous permets pas, monsieur Polo, de m'insulter de la sorte. Bon, je viens témoigner spontanément et gentiment dans votre émission. Gorgonzola et... Non monsieur, je ne puis me laisser traiter comme ça et injurier. Gorgonzola de la je sais pas quoi là, tu vas conclure et puis tu vas y aller. Écoutez monsieur, je suis outré par les propos que vous tenez bon, à mon égard. Moi qui aimais votre émission, je me sens déçu. C'est pas mal grave. Laissé, allez, indice. Allez, casse-moi Gorgonzola, un peu de pub et on se retrouve juste après. Toi qui apprécies le plat de pâte au thon que tu manges à la cantine du boulot, au lunch ou chez le Rital, savais-tu qu'en moyenne, il est moins cher chez ta mère? Toi qui as choisi de faire ta lessive dans ton lavabo, ta machine à laver ou un lavomatique tout pourri, savais-tu qu'en moyenne elle est moins chère chez ta mère. Toi qui es d'accord pour payer ton loyer 500 € pour une chambre de bonne à Paris, 15 mètres carrés à Mulhouse ou une coloc avec des relous à Nanterre, savais-tu qu'en moyenne il est moins cher chez ta mère? Maintenant, si tu ne sais toujours pas où il vaut mieux vivre quand t'as 30 ans en France, tu peux toujours te renseigner sur rentrechezta-mère.com. Nous sommes les Killer Queens. Et nous c'est Polo Show. Que j'aime ce jingle en allemand, c'est beau, ça m'excite tous ces Allemands qui parlent. Premier sur le scoop dans le Polo Show, puisque Kevin vient de sortir de Secret Story, c'est ce qu'on vient de m'annoncer dans l'oreillette. Merci à Jack qui est dans mon oreille. Tu es toujours dans mon oreille? Je suis plus que dans ton oreille. Bon, mais t'es là, oui, voilà, ouais. Donc c'est Kevin qui vient de sortir. Exactement. Et donc Jonathan reste. C'est un peu logique. Mais en fait, voilà. Tu suis Secret Story. Ah bah ouais, attends, ouais, j'ai que ça à foutre hein, moi dans la journée. Bon, on reprend le cours du Polo Show avec un autre auditeur. Qui est là? Oui, c'est Michel. Oui, Michel. Salut Michel, qu'est-ce que tu veux? Jack, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que dans tes oreilles. Oh là là, tout de suite la vulgarité, t'as un problème avec ton orientation sexuelle toi, Michel. Non? Bon, viens-en au fait. Allez. Écoute Polo. Je t'écoute. J'ai vu une photo de toi. Ah. J'étais nu? Non Polo, c'est la photo où je suis nu avec Toff et puis on fait des trucs avec de la peinture, c'est ça? Non Polo, c'était pour un photocall. Ah oui, mais ça c'est parce que je suis une star, tu comprends? On fait des photocalls, il y a des photographes qui me hèlent. Faut expliquer aux gens ce que c'est qu'un photocall. C'est par exemple, si vous avez déjà vu à Cannes, il y a des stars qui passent sur le tapis rouge et puis on les appelle. Polo, tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, et on les photographie. C'est ça un photocall. Oui, qu'est-ce que tu veux Michel? Polo. Ouais. Je voudrais quand même juste pour finir la scène, si ça te dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Faire l'amour avec toi, Polo. Eh, on peut faire l'amour, mais alors à une condition, sur un petit bout de bureau. Parce que j'ai un ami qui travaille dans une société, et en fait, il a un petit bout de bureau. En fait, c'est un bord de bureau. Mais il est très bien, hein. Il est bien là, il est heureux, il est là quoi. Mais c'est un ami que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que... Oh là, c'est quelqu'un que j'adore. Quoi, en fait le mec a un bureau de merde quoi. Voilà, c'est ça. Il travaille sur genre... Non, il a un quart de bureau. Il a un quart de bureau. Ah putain, c'est dur. Ouais, ouais. Mais il est gentil, c'est un mec. Oui, oui, oui. Oh là là, moi je non, donnerais ma vie pour lui. Pas proportionnel ouais. Au bureau, heureusement. Non, non, heureusement. Enfin, bon, pour le coup, le gars a un bureau de merde. Ouais, voilà, okay, c'est d'accord. Ça. Allez vous faire enculer. Avec plaisir, Michel, allez, casse-toi. Qui est là? Allô. Nikos. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis bourré. Salut, bon. Elufto. Nikos, t'es où là? Là, je suis en direct de Montpellier. Et? Je misse les CD. Vas-y, tu misses. T'as missé quoi depuis tout à l'heure là? J'ai vu que j'ai... Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, j'ai vu que c'est Lala Mouskouri. Quoi d'autre? J'ai vu que c'est Davis Rousseau qui sera en direct à la Starac dès qu'on revient. Fort, ça c'est fort. Appelle-moi Piccolo. Ok, Piccolo. Bon, c'est tout, Nikos? T'as pas une bouteille, Lou? Si, je te la ramène, là. J'arrive. Nikos? Ah oui, j'attends la bouteille, Lou. Bon, allez, ciao. Qui est là? Salut, Lou. Attends, t'es pas sur toutes les lignes, là. Non. Attends, je vais faire je vais te switcher. Nikos? Salut, les loups. Ah non, c'est pas possible, il est sur deux lignes. Je te mets sur deux lignes, alors. Salut, Lou, comment ça va? Ça va, et toi? Ouais, Mykonos, à l'appareil. Bon, tu vas conclure, Nikos? Ouais, je vais dire ici à Montpellier, c'est la feta, quoi. C'est... Non, la fiesta, la feta, c'est de la... Ah ouais, c'est non, fromage. Nous, en Grèce, on dit c'est la feta, quoi. D'accord. Ouais, voilà, et puis je vais dire, il y a David Guetta, il y a l'amour, il lui est tombé dessus, là, tu vois. Ouais. Il s'est chopé une petite crevette. Ouais. Toute mignonne et tout, il y a que la tête à jeter. Par contre, moi aussi, il y a l'amour, il m'est tombé dessus. Ouais. Par contre, c'était une morue, et quand tu vois la taille d'une morue, ça fait mal, hein. D'accord, merci Nikos. Vous êtes combien de Nikos, là? Oh, moi, c'est Nikonas, Lou. Salut, les loups. Salut, voilà, c'est achève le polo show. Ah, c'est tout? Ah bah oui, ah, attends, ouais, on va pas... Eh, mais enfin bon, et jingle, alors, y a plus de jingle, alors où est-ce qu'on est maintenant, s'il n'y a plus de jingle? J'ai autre chose à foutre, j'ai un métier. Non, on fait bon. pas de jingle aujourd'hui. Bah alors, on m'enlève le père, on m'enlève le jingle. Dans 5 secondes, c'est fini. Non mais attends, là, on m'enlève... Attends, attends. On m'enlève le père. Non mais attends, on m'enlève le jingle, il y a un moment donné, les gars, moi je... Bah il y a un moment, voilà, c'est très bien. J'aime le polo show, merci à ceux qui l'ont écouté, merci surtout à ceux qui ne l'ont pas écouté. Il y a un public en folie ce soir. Non, c'est une autre gueule, ça fait plaisir de ne pas payer l'autre ringard qui vient tous les soirs. Allez Polo, allez Polo. ferme-la, laisse-moi parler. Et eux, c'est gratuit en plus. Et c'est ça qui est fort. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie. Et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.